Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas démarré notre dactylo. Mm-hmm. Avec les fêtes, je pense que c'est un peu gelé. Là. Ben... Il va falloir tirer un petit peu plus sur le fil que d'habitude. Fait que aide-moi, OK? OK. Et alors, on tire sur le... Comment on fait ça? On tire dessus sur le... En sort sur la poignée. Pince ce bord-là. OK, parfait. OK, oui, cool. OK. OK. Vring, ding, ding, ding. Non, c'est pas de même. C'est le son, c'est quoi le son? Ben, c'est... Ouais, ça avait l'air là, de... On dirait que tu l'as échappé. OK, alors... Vring, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Oh, oh, la blab. Ving, ding, ding, c'est un son plaisant. Ving, ding, ding, ding, ding. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. C'est moi qui montre ou enseigne les choses à François-Olivier qui me dit, lui, s'il trouve ça intéressant ou plate à mort. Hein? Vas-y. Et j'écris ça à dactylo parce que c'est plus confortable pour mes doigts. Pas chouette. C'est ça. Donc, la première personne qui a été arrêtée pour avoir fait de la vitesse aux États-Unis allait à 12 000 à l'heure. Est-ce que tu savais ça? Et c'est pas rapide, rapide. Pourquoi, tu penses? Ben, c'était des vieux véhicules, là. Ben non, parce que l'année, c'était 1899 et la police était à vélo. Donc, ouais. À vélo. Quelqu'un en vélo roulait 12 000 à l'heure. On dirait bien. Ah. On dirait bien. Ouais. Le poinsettia, tu connais le poinsettia? Oui, tout bon. À fait. C'était nommé, ça, d'après le congressman et l'ambassadeur Joel Poinsett, qui a amené la plante aux États-Unis dans les années 1800. Monsieur Poinsett, le poinsettia. Ah, ben oui. Intéressant. Tout à fait. Tu connais la chanson « You're a mean one, Mr. Grinch ». La chanson du Grincheux. Grincheux, oui, avec Jim Carrey qui joue là-dedans. Ben, ça, c'est un remake, là, mais ouais, apparemment. Ça a été chanté par cette chanson-là par Thurl Ravenscroft, qui était aussi la voix de Tony le Tigre en anglais. Tout à fait. Des Frosted Flakes. They're great. Wow. En français, c'est pas un vrai régal. Un vrai régal. Régal. Donc, quand vous entendez la chanson « You're a mean one, Mr. Grinch », pensez à Tony le Tigre. Et versez-vous un bol de Frosted Flakes. Ouais. Tony le Tigre, c'est con, là, mais t'as l'impression que c'est ton ami. Ben oui, mais il est fin. Oh ouais. C'est un peu comme la mascotte de... C'est qui, le... Footloose, non? Non, non, non. L'autre tigre, Lyon, là, c'était pas Petro-Canada, c'est le garage, là. S.O. S.O. exactement. Oui, oui. Même mascotte, on dirait que les Frosted Flakes, hein? Hey, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tout à fait. Ils ont changé de logo à un moment donné, puis ils ont comme oublié de changer leur mascotte aussi. Non! Tu connais le Hawaiian Punch? Oui. Punch hawaïen. Ça a été développé à l'origine, ça, en 1934. C'était un genre de truc qu'on mettait sur de la crème glacée. Tu sais, là, du topping, une garniture à crème glacée. Ouais. À saveur tropicale. À la base, c'était ça avant d'être du jus. Ah ouais, une punch. Eh ben. 1934, c'est ça. Intéressant, je pensais que tu allais me dire que ça vient pas d'Hawaii et puis que ça n'a rien à voir. Ah, ça vient sûrement pas d'Hawaii non plus. Hein. Vraiment pas. Tu connais, et là, le nom m'échappe, le mistletoe. Tu sais, c'est le truc, le gui. Le gui. OK. Ça m'est revenu. Embrassé en sous le gui. Oui. Exactement. Donc, même si tu peux acheter des rafraîchisseurs d'air à senteur de gui, tu peux acheter des chandelles à senteur. Hein. Moins bon dans la bouche. On dirait que tu sais pas ce que ça sent. Ben exactement. Ben la raison que tu sais pas ce que ça sent, c'est parce que le vrai gui, ça a pas de senteur du tout. C'est ben niaiseux. Donc tous les parfums qui ont été inventés, on parle de savon, de n'importe quoi, c'est des ben niaiseux. C'est une fausse senteur. J'aimerais ça savoir de quoi est-ce que ça sent. Qu'est-ce que ça sent, ces affaires-là? Ouais, c'est ça. À la limite, tu peux. Ou tu sais, d'une marque à l'autre, ça change complètement. Ah. Est-ce que ça sent le petit sapin vert qu'on met dans les voitures? Ça se peut. Ça se peut, on sait pas du tout. Le premier brouillon du script de Die Hard, le film avec chose Labin, là. Die Hard, là. Avec Bruce Willis. C'est ça, c'est quoi en français? C'est Piège de cristal. Oui. Voilà. Donc, le premier brouillon du script de Die Hard par Stephen E. DeSouza a été écrit à la base. Ça devait être une suite à son précédent film Commando. À la base, imagine. Ouais. Après ça, il y a eu des suites de Die Hard. Ah ouais, mais ça aurait pu être des suites de Commando. Ouais. Eh bien. Tu m'en diras tant. Norman Bridwell a presque appelé son chien Tiny, son gros chien rouge. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. Son gros chien rouge. Mais sa femme lui a suggéré Clifford. Clifford, le gros chien rouge. Il devait s'appeler Tiny, le gros chien, les dessins animés pour enfants, les livres, les jouets. Pas, non. Clifford. Bref, c'était le nom de son ancien ami imaginaire, ce Clifford, femme de Norman Bridwell. Donc, ça aurait pu être Tiny, le gros chien rouge. Tiny. Drôle de nom, c'est Tiny, me semble. Tu connais les pieuvres? Oui. Ça dit quelque chose? Oui. Tu sais combien ça a de tentacules? 8. 8, il me semble? C'est pas dans mon fils, ça, fait que je sais pas. Mais bref, le troisième bras d'une pieuvre masculine, le masculin de la pieuvre, là, c'est plus qu'un bras, c'est aussi son... un organe de reproduction. Mais tu sais, le troisième, tu commences à compter de où? Tu commences où, exactement? Ouais, c'est bizarre, mais extrêmement intelligent, les pieuvres, je te l'avais raconté même. Non, c'était quoi ça? La mère meurt à la naissance. Okay. Donc, il n'y a pas de transfert d'intelligence, okay. Mais sont vraiment là, très intelligents. Ils savent exactement la grosseur de leur tête, parce que si leur tête passe, en fait, là, tout le tout reste peut suivre. Enfin, je te ferai pas... Vive découverte, finalement. Ouais. Non, mais c'était à Canal D. OK. C'est un peu du pareil au même. Parce que le D, petit fait, je vais rajouter ça à ma collègue à l'improviste. Le D dans Canal D, là, avant, là, ça voulait dire découverte. Mais là, tu sais ce que ça veut dire? Déchaud d'humour, je pense. Détective et déchaud d'humour. Déchaud d'humour qui date depuis... le grand rire bleu de 1992. Zach, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Pas ça. Mais on pourrait faire une chronique... OK, on fera une chronique complète sur les postes qui changent de vocation avec le temps. Okay? Il y en a pas mal. Faut faire ça, sérieusement. Là. Je suis... N'importe quel. Ouais, n'importe quel. Bon, une autre fois. On était dans C'est un fait pour l'instant. Baby Brother Tender Love. Baby Brother Tender Love était la première poupée de Mattel. De Mattel, la compagnie qui débarbie. Ah, OK. Qui était une poupée garçon, anatomiquement correcte. Ça a été fait en 1976, ça s'appelait Baby Brother Tender Love. Donc, il y avait un pénis. Probablement ça, oui. Parce que sinon, les poupées, en fait, ils ont comme pas de sexe. Alors, en général, ils ont comme juste un monticule? Un joint. Ouais. Ça se rejoint quelque part, mais... une ligne, mettons. Ouais. Ouais. Selon Nielsen, tu connais Nielsen, c'est comme l'équivalent des BBM là, aux États-Unis. Okay. Les Américains ont regardé plus de télé que jamais en 2010. On estime en moyenne 34 heures par semaine. C'est bizarre, ça. C'était pas supposé descendre avec la venue d'Internet et puis des... J'avoue que ça aurait peut-être dû, ouais. Mais je sais pas. Bonne question. Mais ça a monté apparemment. Plus de télé que jamais dans la vie au grand complet. Peut-être qu'il y a plus de gens qui ont moins... peut-être qu'il y a plus de gens qui ont moins d'emplois. Tu sais, les pertes d'emplois aux États-Unis. Ça se peut, ça. On sait pas. Le fromage cheddar a été nommé d'après le village anglais de Cheddar. C'est vrai. Les caves de Cheddar Gorge sont d'ailleurs idéales, dit-on, pour faire vieillir du fromage. Je savais pas ça, moi, fromage cheddar. Non plus. Ouais. Cheddar. Avec une infirmière et un calligraphe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. C'est l'histoire, on dirait un film de porno. Hein, ça. L'infirmière et le calligrapheur. Un gars qui fait de la calligraphie, bref. Donc, avec ces deux-là, Saddam Hussein, tu connais Saddam Hussein? Ouais. A fait écrire une copie du Coran en utilisant son propre sang. Saddam Hussein. Oh, ouais. Avec son propre sang, à l'aide d'une infirmière et d'un gars qui faisait de la calligraphie, a fait écrire le Coran avec son propre sang. C'est quelque chose, hein? Ouais. C'est quelque chose. T'es peurant, mais. Ouais. Savais-tu que le Lazy Boy, et là ça m'a vraiment surpris, le Lazy Boy, tu t'es toujours demandé pourquoi ça s'appelle Lay, trait d'union Z, trait d'union Boy. Mm-hmm. C'était un concours aussi stupide que ça. C'était un concours donc par la compagnie pour faire nommer leur divan ou leur série de divans. D'autres soumissions, il y avait entre autres Sit and Snooze, donc s'asseoir et ronfler. Ça aurait pu être le Sit and Snooze, le nom du divan. Ou encore le Slack Back. Slack Back, ça sonne bien. Slack Back, moi j'aime ça. Mais oui. Slack Back. Mais à la place, c'est Lazy Boy qui a gagné. Donc, garçon paresseux, mais avec des... je sais pas trop pourquoi, avec un Z. C'est bizarre. Et je reviens sur une promesse que je t'avais fait il y a au moins, je pense, un mois et demi. Je sais pas si tu t'en rappelles. On avait parlé d'un fait divers sur Snowball dans les Simpsons, le chat. Oui. Et là, je t'avais dit, je te reviendrai avec un fait sur Snowball. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, mais je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je m'en rappelle pas, moi non plus. Okay. C'est tout. Mais bref, le fait que je voulais t'apporter, c'était que Snowball 2... Le chat de Lisa dans les Simpsons est en fait le cinquième chat nommé Snowball dans la famille. Le cinquième. Tu te demandes pourquoi? Ouais. Donc, pour clarifier, après que le Snowball 2 original ou d'origine soit mort, Lisa a essayé de le remplacer dans le même épisode. Bon, ça, c'est un épisode des Simpsons. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que tout le monde l'a vu à la maison. Donc, dans le même épisode, Lisa a essayé de remplacer son chat. Les deux premiers remplaçants sont aussi morts. Snowball 3 est mort en essayant d'attraper un poisson dans l'aquarium. Snowball 4 est mort en sautant d'une fenêtre parce qu'il avait peur du saxophone de Lisa. J'y vais de façon très, très approximative. Donc, ensuite est arrivé Snowball 5, boule de neige 5. Le chat a été donné à Lisa après la mort de ses trois précédents chats dans le même épisode. Donc Lisa, au début, rejette le chat parce qu'elle est sûre qu'il va être malchanceux. Ensuite, il marche directement devant une voiture et n'est pas blessé pendant le crash, si on veut. Ça convainc Lisa qu'il n'est pas malchanceux, donc elle l'adopte. Et la raison pour laquelle le cinquième chat s'appelle Snowball 1 à la place de Snowball 5, c'est parce que Lisa voulait économiser de l'argent sur un nouveau bol pour la bouffe à chat. Donc elle a décidé de faire semblant que tout ça n'avait pas eu lieu. Parce que Snowball 5 ressemble donc à Snowball 2. Bon. C'est bien, c'était mon fait. C'était pas intéressant. Ouais. C'est tout pour cet un fait, François. Ouais, merci, Matt. Ça fait plaisir. Merci, merci. On se couchera moins niaiseux ou un petit peu plus. Un petit peu moins, c'est ça. Un petit peu plus, moins. Autant. Là. Autant. Parce qu'on va. Un petit peu plus, peut-être. On va pas retenir ça. Ben, non. Mais il y a des trucs que tu m'as dit que j'ai retenu. Ah oui, comme. Oh, ouais. Ben là, je peux pas te... Bon, ben voilà, la preuve. Hein. La preuve que tu l'as pas retenu, ça. Non, mais en fait, là, aujourd'hui, j'ai retenu beaucoup la pieuvre. OK, oui, le troisième bras à partir de la gauche. Un organe... ouais, à partir de où, là, on sait pas. Là, mais... ouais. C'est bizarre. Oui, c'est très bizarre. Mm. Ouais. Fait qu'il y aura d'autres faits demain. C'est un peu l'idée de la chronique qui est là, et... quotidiennement. Là. C'est une bonne chronique, on a besoin. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. C'est l'Égypte qui menace de reprendre son obélisque dans Central Park. Non! Oui, c'est le Conseil suprême des antiquités égyptiennes qui menace donc de reprendre cet obélisque. Il s'appelle Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil, qui a adressé cette semaine une lettre au maire de New York, Michael Bloomberg, dans laquelle il déplore que le monument de pierre ait subi une forte érosion au cours du siècle écoulé. Oui, mais c'est pas de la faute des Américains à la base. En tout cas, l'obélisque dédié au roi Thutmose III, pardon, se dresse derrière le Metropolitan Museum of Art, pardon, depuis 1881. Il est d'une hauteur de 21,6 mètres. Quand même, un bon bloc, je suis allé voir sur Internet. Oui. Une belle œuvre. Et puis, il est l'une des deux aiguilles de Cléopâtre, l'autre se retrouvant à Londres. Il a été offert au gouvernement américain par l'Égypte au début du 19e siècle. J'ai le devoir de protéger les monuments égyptiens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Égypte, poursuit l'égyptologue Zahi Hawass. Donc, si Central Park et la ville de New York ne peuvent pas prendre soin correctement de l'obélisque, je prendrai les mesures nécessaires pour rapatrier ce précieux monument et le préserver de la ruine. Les hiéroglyphes ont été effacés, dit-il, en certains endroits. Je suis allé voir des photos, mais il y en a encore plein, là, mais oui, ça, c'est possible. Après 100 ans, dans une ville, c'est possible que la matière s'use. Hein? Ben, moi, je vois deux choses là-dedans. De l'une, c'était un cadeau. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Alors, on peut pas reprendre ça. Non. De notre côté, c'est vrai que le gouvernement américain aurait la responsabilité de le restaurer. De le restaurer, mais non seulement ça, mais aussi d'en prendre soin carrément, de s'assurer qu'il ne se dégrade pas tout simplement. Mais comment prend-on soin d'un obélisque? J'imagine qu'il faut le protéger des intempéries d'abord. Oui, mais on n'est pas pour le mettre justement dans une cage de verre, sinon ça pue. Mais il pourrait mettre un revêtement à latex transparent. Oh, un condom par-dessus. Ou peut-être genre de comment ça s'appelle? Laminé, là, on ferait laminer l'obélisque. Ah ben oui, c'est une autre solution très intéressante pour sa conservation. Comme tu vois, on n'est pas à court de possibilités, là, David. Ah non, et puis on est deux ticlins, nous, là, pourtant, imagine, il y a des grands penseurs qui sont payés qu'à faire ça. Mettez la NASA là-dessus, là, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Envoyez-les sur la Lune. Ben oui, nos traces de pas sont encore les mêmes, il paraît, sur la Lune, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Oui, exactement, il n'y a pas non plus de friction d'air. Donc, je pense que ce serait une bonne place pour le conserver. Et puis, si quelqu'un arrive là, il penserait que c'est une civilisation extraterrestre. Est-ce qu'il a écrit des trucs? Ça ferait un charme fou. Donc, on a un pasteur licencié pour avoir forniqué dans son église. Ben oui, il s'agit du pasteur de l'église protestante d'Hambourg en Allemagne, donc qui en novembre dernier, l'année dernière, en 2010, genre on en a parlé même ici au Dîner de cons, on l'avait retrouvé complètement sous à la fin de son office. Et puis, sans doute, il avait abusé du vin de messe, peut-être, même qu'on avait dit ça ici. Et puis, vers minuit, la même journée, il s'est retrouvé dans son église, seul en présence d'une jeune et charmante jeune femme de 32 ans. Et là, eh bien, l'inévitable se produisit. Il aurait indiscrètement glissé sa main dans le pantalon de la jeune femme pour la caresser. Et puis, ben, la déclaration de la victime est un peu confuse depuis. Elle ne se souvient plus de rien suite à cette main baladeuse de divine, presque. Hein? Elle dit avoir perdu connaissance et s'être réveillée le lendemain matin à moitié nue entre les bancs de l'église. Et puis, c'est ça. Et puis, ses vêtements avaient disparu. Le mal a été fait. Le pasteur en vain a essayé de s'excuser par mail auprès de la jeune femme. Mais je pense que quand tu t'excuses, tu te condamnes. Hein? Me semble. Et puis, c'est ça. Et puis, sans doute, la jeune femme, l'église, pardon, protestante de Hambourg a préféré le licencier. Ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée, quand même, quand on se dit voix de la morale et tout ça. Premièrement, complètement sous, à la fin de l'office, ça peut toujours passer. Mais là, la main baladeuse dans la culotte, ça passe un peu moins. Sinon, on poursuit. Après la fameuse rumeur, là, tout le monde avait peur. Hein? Le week-end donc dernier a vu circuler une folle rumeur présageant la fermeture de Facebook au 15 mars prochain. Eh bien, après 48 heures de doute et des mois, parce que Mark Zuckerberg ne démentissait pas et personne de Facebook ne disait que c'était pas vrai, eh bien, les responsables du réseau social ont démenti tout arrêt. Après 48 heures, la rumeur circulait à grands pas, mais rien n'était vrai. Donc, il avait été annoncé par le site Weekly World News. Mais on le sait, le Weekly World News, là, tu vois apparaître Dieu dans les nuages, tu vois, je sais pas, des photos d'extraterrestres. Une crêpe avec la face de Jésus. Le plus gros petit bébé du monde qui pèse 400 livres, des affaires de même. Le Weekly World News, ça le dit, c'est une feuille de chou à sensation, et puis on invente des nouvelles. Mais en tout cas, ça a marché, parce que là, justement, ce site annonçait la fermeture de Facebook le 15 mars, et son fondateur, Mark Zuckerberg, était censé mettre un terme à toute cette folie et retrouver son ancienne vie, parce que disait que dans l'article qu'il n'était plus capable là, de vivre à ce rythme. Ben, peut-être qu'il y a songé. Et peut-être qu'ils ont attendu avant de démentir la nouvelle afin de profiter de la publicité que du ça leur buzz. Fait. Ben oui, exactement. Hey, salut, voix douce et mielleuse. Ben, salut, Danny Janvier. Bonne année. Bonne année à toi. Bienvenue dans ton studio. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, bonjour à vous, auditeurs adorés, les gens qu'on préfère ici au Dîner de cons. Super. Et non, c'est pas vous les cons, c'est plutôt nous ou la nouvelle. Le site attribuait donc ces mots au fondateur du réseau social. Il disait, pour être honnête, je pense que c'est une bonne chose. Sans Facebook, les gens vont devoir sortir de chez eux et rencontrer pour de vrai leurs amis. Ça ne peut être que bénéfique. Il avait mis ces mots-là dans la bouche de Mark Zuckerberg. Donc, lorsque les journaux, les blogs et les sites ont repris l'information, c'est un émoi généralisé qui s'est emparé des utilisateurs du réseau social. De plus, le silence de Facebook ne faisait qu'amplifier l'inquiétude. Et néanmoins, la source de l'information laissait penser à un canular. En effet, bien sûr, le Weekly World News est un site habitué à créer des rumeurs les plus folles, comme l'invasion de la Terre par les extraterrestres en 2011. Ce lundi, après 48 heures de silence, Facebook a enfin démenti l'information par ses mots. Nous n'avons pas reçu le mémo concernant l'arrêt. Nous allons donc continuer à poursuivre nos efforts, comme toujours. Et nous allons nulle part, c'est juste le commencement. Et puis les usagers, bien sûr, du réseau social ne peuvent qu'être heureux et rassurés. Tout à fait. Et moi de même, étant donné que c'est principalement la seule forme de communication avec les autres, oui, à exactement. Part le direct. En fait, j'utilise même ça pour organiser mes pratiques de musique. C'est de la première importance. Bon, ben c'est ça. Et donc, inquiète-toi pas, Facebook ne fermera pas. Magnifique. Et une petite dernière avant de se sauver en musique, une pour toi qui vient d'arriver. Eh bien, en Espagne, avec une belle photo, quatre jolies jeunes femmes, des clients invités à venir faire les soldes en sous-vêtements en Espagne. Oh oui, vraiment? Oui. Je trouve que l'idée est originale. Moi, tu sais, Danny, les sous-vêtements. Moi, ce serait pas pour aller magasiner, ce serait pour aller regarder les gens magasiner. Ah ben oui, mais tant qu'à ça, tu te prêtes à l'activité. Ben oui, ben oui. C'est ben comme oui. le nudisme, il faut être nu pour voir les gens nus. Oui, mais je veux dire, t'es pas obligé de dépenser, c'était là. Ah non. Moi, c'était pas le fait de me mettre en bobette. Tu peux aller faire du lèche-vitrine. Oh! Ça, j'aimerais ça ici, dans ce cas-là. Donc, c'est une marque espagnole qui a entamé la période des soldes de manière très originale. Elle invite ses clients à venir en sous-vêtements et leur offre gratuitement de quoi se vêtir, nous explique Le Quotidien. On nous donne un panorama même, on pourrait voir les images de ça. Souhaitons que les clientes et les clients trouvent les tailles qui leur conviennent sous peine de repartir encore en slip. Donc, sur le site Dario Vasco, une vidéo permet de se rincer l'œil et de se rendre compte de l'ambiance dans la file d'attente devant le magasin de San Sebastián vendredi dernier. La responsable com de la marque explique qu'il s'agit de la première manifestation de ce type dans la ville basque et que Desigual avait déjà tenté l'opération à Madrid, Amsterdam et Lisbonne. Les 100 premières personnes arrivées devant le magasin sont reparties avec des vêtements gratuits. Les suivantes ont bénéficié des rabais allant jusqu'à 50%. Et puis, les gens se sont déshabillés vers 8h40 pour l'ouverture à 9h le matin. Et puis, selon le journal, 200 personnes étaient présentes lors de l'ouverture des portes. Donc, ça a bien fonctionné, leur buzz. Ben tant mieux. Puis, je trouve que l'idée est originale. Mais ça veut dire qu'on a le droit de vivre en sous-vêtements. Ben, sous-vêtements, oui. C'est comme un costume de bain, finalement. Ben oui, tout à fait. Mais je sais que ça ne couvre pas grand-chose. Mais... oui, puis tu risques de pas être accepté dans les restaurants chics ou les clubs de tennis select. Même pas le McDo. Ah, peut-être pas non plus. Non, parce que à la porte, en partant, faut que t'aies un T-shirt, genre, faut que t'aies des souliers, faut que t'aies... Ça prend un temps soit peu de classe pour manger au restaurant. Au McDogal. Au restaurant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bon, là, il va falloir se déprimer un petit peu en faisant une chronique poche. Est-ce que tu m'aides à repartir la dactylo? Un petit peu. OK. Attention. 3, 2, 1. Ring, ring, ring, ring. Wow. Ça manquait de force un peu, ça, de torque! Hey, écoutez le ballon. C'est drôle, peu importe comment on tire fort sur la corde, la musique est toujours la même. Non, c'est ça, il n'y a pas de rapidité. Non, c'est comme si ça avait aucun... ça affectait pas du tout la dactylo, finalement. Non. Non, non. C'est pas grave. Donc, c'est un fait. C'est le nom de la chronique et c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois. Matt. Est-ce que tu veux me faire plaisir ce matin? Oui, vas-y. Commence par le fait sur Call of Duty. C'est ah, ben, parfait. Ben, morte, quelle belle demande spéciale. Call of Duty. Savais-tu, François, que le nombre de gens qui sont enregistrés sur Call of Duty Black Ops, OK? Le nombre de gens inscrits, c'est plus que la population de tous, sauf deux États américains? OK, ah oh, ouais. Incroyable, hein? Oui. Oh oui! Oui! Oh, oui. Mais il y a beaucoup de monde qui joue à Call of Duty Black Ops. Là, je vois de plus en plus sur le live. Là. Mm-hmm. Et puis, c'est hallucinant. Là. Ouais. C'est hallucinant. Tu sais, en fait, en bas, tu vois, il y a des faits. Comme à date, mettons, on a tué plus que, mettons, 300%. Ben, mettons, comment je pourrais dire ça? Mettons, 300% de morts de la population entière. Tu sais, mettons, dans le jeu vidéo, là, à force de tuer. Icon. Oh, ouais. Ouais, puis mettons, on a couru, il y a eu de la course pendant 16 fois le tour de la Terre. C'est des petits faits comme ça. Wow! C'est génial. Si le nombre d'utilisateurs enregistrés pour le jeu se mettait ensemble, il serait donc le troisième plus grand État des États-Unis. Depuis le lancement le 9 novembre de Call of Duty Black Ops, les joueurs ont joué plus de 600 millions d'heures. C'est l'enfer. C'est équivalent à 68 000 ans, selon les statistiques du fabricant Activision. Et ça, c'était en date du 27 décembre, donc on est quand même quoi, janvier. Par jour, ça doit être le nombre d'heures, ça doit être incroyable. Incroyable. C'est le bon mot. Bon, donc ça, c'était pour Call of Duty, justement spécial. Parlons de boxe maintenant. Bloc spécial de fait sur la boxe. Entre 1970 et 2001, 53 boxeurs américains sont morts de blessures qu'ils ont eues dans 53? Le ring. 53 boxeurs américains, ouais. Le juste américain, pas dans le monde. Quand même. Entre 70 et 2001. Je pensais pas que les gens... les boxeurs mouraient. Ben non, c'est en ça. Fait, ils sont pas indestructibles. Non, mais tu sais, tout le monde meurt, mais pas à la suite d'un combat. 53, c'est quand même énorme aussi. Là. C'est beaucoup. Botter, mordre. Eye gouging, c'est quoi? C'est genre aller dans l'œil de la personne avec ton pouce, avec ton doigt. Ouais, je sais pas comment. Headbutting, quand tu frappes les têtes ensemble. Et le coup dans les testicules ont été bannis à la boxe en 1838. morts de poche. Ben oui, c'est ça. Peut-être qu'il y aurait eu plus que 50 morts, hein? Peut-être, ben oui. Sac. Dans les... la boxe a recommencé en Grande-Bretagne en 1681, mais c'était illégal. D'ailleurs, la boxe était complètement illégale partout aux États-Unis jusqu'à 1896. Illégal, il n'y en avait pas. Il y en avait sûrement, là. Oh oui. Mais c'était illégal de le faire. Il n'y a pas eu de match de boxe enregistré dans le monde entier entre la chute de l'Empire romain et 1681. Il n'y a pas eu du tout de match de boxe enregistré. Enregistré, c'est ça. C'est le mot... c'est le mot qui vaut cher. Et voilà, le mot qu'on enregistre. Ça, c'était pour la boxe. Hein? Fin de la parenthèse sur la boxe. Au Brésil, tu connais Rio? Oui. Ben, au Brésil, ça se prononce Rio. Rio. Rio. Rio. Rio. Ouais. Les cerveaux des loups sont 25% plus gros que ceux des chiens domestiques. 25% plus gros. Intéressé? Ben oui, je sais. Pourquoi? On sait pas. Ben non, ils sont juste plus gros. Plus intelligents, je sais pas. Aucune idée. Ça n'a pas rapport avec la grosseur, je pense pas. Non, c'est ça. Ben non. Si tous les Legos du monde étaient divisés de façon égale, donc on prend tous les blocs de Lego et on les distribue à part égale, tout le monde dans le monde aurait 30 morceaux de Lego. T'es sérieux? Ben oui, 30 morceaux, c'est assez pour faire un petit terrain sur lequel mettre une maison future, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Quoi qu'il y ait des plaques pour ça, pas besoin d'avoir des morceaux pour faire... Mais c'est énorme, ça veut dire qu'ils en ont fait, là. Comment dire, la langue grecque antique... Ancient Greek, Grèce ancienne, ouais. Voilà, mettons, n'avait pas de mot pour la religion. Il y avait juste pas de mot pour ça. Ça pourrait revenir, ça, d'ailleurs. Pas de mot pour ça, c'est pas pire. Leonardo da Vinci, tu connais Leonardo da Vinci? Oui. Ouais. Ça lui a pris 15 ans pour peindre la Mona Lisa. 15 ans? Ça, je pensais pas. Ben, moi non plus. Non plus. Un livre de Tintin est acheté par quelqu'un en quelque part dans le monde à chaque 7 secondes. Donc là, il y en a un qui en a acheté un là. C'est un peu long, cette seconde. C'est un peu long, ouais. C'est un peu long, cette seconde. Là, il y en aura un autre, mettons. Quand même. Avant la Renaissance, trois quarts de tous les livres dans le monde étaient en chinois. Trois quarts avant la Renaissance. Trois quarts. C'est beaucoup, oui. Il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Pour vrai? Ben oui, ah, ouais. Chaque reine britannique qui s'est appelée Jane ou Jeanne a soit été tuée, emprisonnée, qui est rendu folle, qui est morte jeune ou qui a été détrônée. Chacune... Hey boy, OK, ça va pas bien. Ça va pas bien pour les Jane. Mais les Tarzan, par exemple. Les Tarzan. C'est win. le poulet frit est le plat le plus populaire commandé dans des restaurants où l'on s'assoit aux États-Unis. Des restaurants où l'on s'assoit. Le prochain en popularité, c'est le roast beef. Hein? Okay. On connaît ça, nous, le roast beef. Le spaghetti. La dinde. L'hamburger est où? Ah, il n'y a pas d'hamburger c'est ce que ça dit. Dans les restaurants où on s'assoit, sûrement que si tu comptes le fait les pour emporter, les restaurants où il y a plus de pour emporter, peut-être que là, les hamburgers seront en premier. La dinde, je disais, le jambon, baked ham, jambon cuit. Ouais. Genre, et les crevettes frites. Ah. Dans les restaurants où l'on s'assoit. Ben oui. Génial. Le Maryland, tu connais l'état du Maryland? Ouais. C'était nommé d'après la reine Henrietta Maria. Qui a donné son nom au Maryland. La plupart des orgasmes féminins... en fait, je recommence ma phrase. le plus d'orgasmes féminins enregistrés à l'intérieur d'une seule heure. D'accord? Okay. Par une personne? Par une seule personne, dans une heure, est de 134. Et le plus d'orgasmes masculins dans une heure n'est que de 16. Mais en même temps... 16, c'est pas mal. Là. 16, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 16, ça doit faire mal à ma main. Ouais. Tourne te coucher. Oh. Savais-tu que laver un œuf de poulet, d'accord, un œuf de poulet, oui, bon, ça va lui enlever son enrobage naturel qui garde les bactéries au loin. Donc, si tu laves ton œuf, il va pourrir très, très, très rapidement après ça. Ah, oh, ouais. T'as géré ça, ouais. Oui. Faut une salade aux œufs avec ça. Demain matin, partir aller nourrir mes poules. C'est ça. Nourrir ta poule après avoir donné 134 orgasmes par heure. Voilà, bon, allez, je vais recoucher. C'est ça. Et on termine avec Krim. Quel beau fait sur lequel terminer. La salade César a absolument rien à voir avec aucun des Césars qu'on connaît, là, tu sais. César les Romains, etc. César les chiens. César, c'est ça. César, le gars qui entraîne les chiens. Et César, la bouffe à chien. Je pense qu'il y a une sorte de bouffe à chien. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si ça lui appartient. Ou... Peut-être. Ou est-ce que la viande est faite à partir de César, le gars qui souffle à l'oreille des chiens? Peut-être aussi. On ne sait pas. on ne sait pas. Donc, ça a été concocté par un homme à Tijuana, au Mexique, dans les années 20. C'est un homme qui s'appelle César Cardini. Donc, c'est lui qui a inventé les salades César. Hey, dis de même, là. Quoi? César Cardini. Ah, ça. T'aimes ça? Ça fait de raison. Quoi? Ouais, je trouve ça... Non, c'est parfait. C'est typique. Ah, c'est réaliste. Ça sonne bien. Ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Bon, ben ça va faire pour cet effet aujourd'hui, François. On peut remettre la dactylo dans le garde-robe ou sous le lit, à un endroit où il ne survivra jamais. Sac-moi ça en dessous du lit. Et voilà. C'est un peu comme le ab roller et le ab... Ils se plient tous en dessous du lit. Toute la gang. Mais c'est tout un avantage précis qu'ils mentionnent dans l'info pub. Là. Ah ouais. Mais en même temps, ils sont tous de même. On s'entend là-dessus. Là. Tout à fait. Prends moins de place. Et... Ah! C'est ça, là. Hey, merci, Matt. Ça fait plaisir. C'est fort intéressant. Ça le fut. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Chose promise, chose due. On y va avec un diaporama donc d'œuvres d'art qu'on va vous expliquer. Et c'est pour ça, tantôt, Charles-André Lambert nous a indiqué que pour profiter pleinement du dîner de cons, eh bien, c'est le fun d'avoir un écran. Donc, de profiter d'être sur Facebook, sur la radio, sur un peu tout en même temps. On vous parle drette là, parce que le lien est déjà sur la page Facebook du dîner de cons, de cet artiste qui s'appelle Mad Pedersen. Je vous en parle quelques instants comme ça. Il est un illustrateur danois qui réalise des dessins pour le cinéma, les jeux vidéo ou la publicité. Il bosse actuellement pour le magazine Advance et les jouets Lego. Quand même une belle petite feuille de route. Sur Internet, il est surtout connu pour son travail autour de l'anatomie des objets gadgets high-tech qu'il représente un peu comme des organismes vivants. Donc, nous, on vous offre quelques petites images qu'on va vous expliquer de ce geek artiste qui nous en dit un peu plus sur le concept de ses œuvres fascinantes. Premier objet, eh bien, le Control Life, qui est une manette de jeu style Xbox. Ça ressemble à la manette du Xbox. Oui. Avec le X même, comme ça. Et donc, c'est ce qui l'a inspiré au départ. C'est un dessin qu'il a vu sur Internet qui montrait l'anatomie d'un ours en peluche. Et donc, la manette de la Wii, vue par l'artiste Angela Maracorn, qui l'avait inspiré. Donc, ça montre à quel point ce truc a progressé. Sinon, on y va avec une autre deuxième petite image. Eh bien, c'est le Art Meet Technology. Ça ressemble à un iPhone. Oui. C'est un iPhone. Est-ce que tu regardes avec moi, Charles-André? En fait, j'arrive pas à trouver les images. Est-ce que c'est celle qui est au sommet de la page en ce moment, Dani? Non, ben on clique sur le vidéo, en tout cas. Mais comment il se nomme? C'est l'anatomie des objets high-tech. Ah ben non, je le vois pas, malheureusement. Art Meet Technology. Donc, l'idée, c'est que ces gadgets ont tellement évolué, ils sont devenus tellement cool que nous les traitons presque comme s'ils étaient vivants. Et puis, vous avez juste à aller vous promener là un peu n'importe où. Vous allez voir, les gens, ils parlent avec leur machine. Hein? C'est comme ça. Et puis, je saute du coq à l'âne, mais tantôt, j'ai une autre petite vidéo à vous proposer qui a été tournée en 1947 et qui nous montre exactement dans le monde dans lequel on vit. Mais ça, c'est une autre histoire, j'en parle tantôt. Donc, d'une certaine manière, les utilisateurs s'attachent à eux. Et une fois que tu as ta Xbox 360 ou ton iPhone, depuis un moment, tu commences lentement à te voir connecté à ces produits, à ces gadgets, et ils deviennent quasiment une extension de toi-même ou de tes mains. C'est le sentiment que nous développons individuellement pour ces machines. Donc, on voit le iPhone avec une coupe, et on voit comme s'il y avait des côtes. Des organes à l'intérieur. Des côtes, oui, exactement. Les organes et tout ça, les applications qui s'y rattachent. Mais c'était quoi sa technique? Là? C'est du dessin, c'est de la peinture? Dessin, c'est ouais. Du dessin à la main, là, du dessin classique. C'est très bien exécuté. Ouais. Je vous recommande d'aller voir ça. Troisième image, Capture Everything, tiré d'un Canon Mark II. Donc, on voit un appareil photo réflexe de la marque Canon. Et puis, lui, là, il nous dit que la métaphore, que c'est un gadget finalement assez simple et complètement mort, qui donne aux gens l'impression d'être plus présent, plus vivant. Et leur relation avec ces gadgets atteint un niveau proche de celle qu'on peut avoir avec un animal de compagnie ou un ami. Par conséquent, il est tout naturel de peindre ces gadgets personnels comme des organismes vivants. C'est ce qui explique. Pour aller plus loin dans le concept, il dit qu'il voulait que l'anatomie soit cohérente avec les fonctions de ces technologies. Et puis, les boutons sont donc reliés à un système nerveux et les parties mobiles aux muscles et aux os de l'appareil. C'est magnifique. C'est vraiment intéressant. On voit l'œil dans l'objectif. On voit les nerfs. Et puis, la carcasse est toujours faite comme d'os, finalement. Oui, exactement. C'est magnifique. C'est vraiment une très, très belle œuvre d'art. Et Meda, avec ce qu'il a dit, il doit utiliser aussi la peinture. Mais c'est vraiment du graphique. Et non, c'est pas fait par ordinateur. Mais c'est surprenant parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien exécuté qu'on pourrait croire que c'était fait par ordinateur. Mais c'est surtout le thème, moi, qui me plaît. C'est particulièrement original. C'est le concept qui est très, très bien. La quatrième, eh bien, c'est la PS3 Anatomy. Donc, on voit une PS3 debout avec encore le même principe. On a une manette qui est ouverte aussi, donc qui nous montre un peu l'intérieur. Comme on voit en sciences anatomiques, hein, on voit des corps, des coupes de corps. Oui. Eh bien, c'est des coupes d'objets qui sont vraiment intéressantes. Là, il nous dit, par rapport à la PS3, en tant qu'artiste, il est très fier de voir l'intérêt que peut susciter son art. Il dit qu'il est très honoré que PlayStation reconnaisse sa création et qu'il l'ait contacté pour réaliser une œuvre pour leur magazine. C'est assez intéressant quand Sony te rejoint, hein, et te commande quelque chose du genre. Tout à fait. Ça l'a poussé à aller de l'avant et ça l'inspire pour développer de nouvelles idées. Et il commence doucement à vendre ses œuvres à des gens un peu partout dans le monde. Et puis avec raison, hein, parce que c'est un artiste, tout à fait. Oui, exactement. On a la PlayStation. Excuse, vas-y. Oui, et moi, j'en mettrais chez moi sur mes murs. Bon, c'est quand même assez singulier comme type d'œuvre, mais c'est tellement d'une beauté indiscutable. C'est bien parce que c'est un côté organique et en même temps hyper technologique. Oui, exactement. Très, très bien. Très actuel aussi. Oui. La cinquième photo, eh bien, on reprend la manette du fameux PlayStation 3. Donc, c'est ça. On n'en parlera pas trop plus, mais c'est le même principe. On a la fameuse 1200, la table tournante de Pioneer, c'est ça, c'était Pioneer, la 1200. Et puis, c'est Pioneer, non, la technique, pardon. Bien sûr, hey, un DJ comme moi, là, j'entends déjà les DJ dire que c'est ça, shame on you. Ben, eh bien, c'était donc la SL1200, qui est un peu comme la Stratocaster, finalement, ou la, tu sais, des guitares mythiques. Eh bien, là, c'est la fameuse table tournante des DJ, donc, de la compagnie Technics, qui nous montre encore son anatomie, son bras, ses organes, vraiment intéressant. Donc, on nous dit qu'en réalité, la popularité de son art l'a plutôt intrigué. Il a reçu tellement de demandes pour réaliser de nouvelles œuvres, des gens qui voulaient en savoir plus sur ses idées, les diffuser via les réseaux sociaux. Et puis, ce qui est drôle, dit-il, c'est que le message véhiculé par cet art parle aux utilisateurs de nouvelles technologies et de l'art qui passe de main en main. L'aspect viral de tout ça, donc, est intrinsèque. Lui, ça ne l'intéresse pas vraiment. Eh bien, tout ça pour dire que le principe est quand même très intelligent. Par exemple, ici, derrière la table tournante, on voit un genre de colimaçon qui évoque l'oreille humaine. Oui, là, oui. T'sais. Donc, il y a toujours un lien très fort. C'est ce qu'il dit, un lien avec l'objet, là, avec qu'est-ce que c'est supposé faire. C'est justement véritablement fascinant. Oui, tout à fait. Suite à ça, ben on a le iPod Nano, qui nous l'offre en plusieurs couleurs, des petits lecteurs MP3. Ça aussi, qui ont l'air d'avoir des petits organes spiralés, donc qui rappellent un peu l'oreille, hein, encore, parce qu'on sait que c'est des trucs qui jouent de la musique. On a en huitième, un petit peu plus, on est allé dans l'un peu plus rétro, on est allé vers le toaster, oui, le fameux grille-pain, et puis c'est tout aussi merveilleux, c'est beau. C'est un peu plus sombre là, dans ouais, le thème. Là. Le thème, mais on voit que le même principe. On a un toaster qui a été décapsulé et puis on voit les organes du toaster à l'intérieur. J'aime bien le cordon là, d'alimentation de la machine qui ressemble presque à une queue de rat. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Magnifique. Donc, c'est ça qui fait notre premier petit diaporama parce que j'en ai préparé d'autres. Et puis, en restant dans le même optique, je vous invite à aller voir sur la page Facebook du Dîner de cons et toi-même, je te l'invite. Peut-être la dixième nouvelle, parce que j'en ai mis beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Le petit vidéo s'appelle « Le futur est-il derrière nous? » C'est sur YouTube. Au pire, vous pouvez taper ça, « Le futur est-il derrière nous? » Et puis, on nous montre vraiment une vidéo qui a été tournée en 1947 sur qu'est-ce que serait notre avenir avec la télévision. Et puis, c'est hallucinant parce qu'on a l'impression que ça a été tourné hier. On voit les gens qui se promènent dans la rue, tous avec leur petit poste dans la main. Et ils ne se regardent pas, ils regardent leur petite machine. Ils disent qu'ils peuvent avoir leurs nouvelles, leurs résultats de sport là-dessus. Ils peuvent avoir, en tout cas, une panoplie de trucs qui, maintenant, aujourd'hui, c'est rendu... On est là, on est là-dedans. Donc, allez voir ça. Ça vaut la peine sur la page Facebook du Dîner de cons. Et pour vous y rendre, eh bien, il n'y a rien de plus facile. Faites-le, c'est fou.ca. OK, vous êtes rendu. Et puis là, ben, dans la page, eh bien, il y a une icône avec un gros nom, un genre de tête de mongol qui est écrit « Le dîner de con ». On clique là-dessus et puis on se rend automatiquement sur la page Facebook du dîner de con. Et puis, aidez-nous, soyez fans. Oui, exactement. C'est des plus simples. Et puis, vous pouvez nous parler sur la page du dîner de con. Vous pouvez faire même des demandes spéciales ou des sujets intéressants que vous voulez partager avec les autres auditeurs. Vous pouvez même commenter les nouvelles dont on parle directement. Et puis, nous autres, on va vous répondre. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Assemblage requis. Parle-moi de la Kinect, puis je vais te répondre. OK. Bon, on va parler de la Kinect d'abord. Voici la chronique Geek Scenix. Hop, il y a encore une roulette après cette affaire-là. Ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas utilisée que je pensais qu'elle avait perdu sa roulette. Forum. Donc, aujourd'hui, dans la chronique Geeks et Yannick, on parle de Kinect. Mais avant de parler de Kinect, on parlait, toi et moi, de Parappa the Rapper. Ouais, ça n'a pas rapport. Pourquoi? Ça n'avait pas de rapper? Ça n'avait pas de rapper avec une affaire de qu'on va parler tantôt. Ouais. Mais ça nous rappelait le fait qu'on se loue plus tant de jeux vidéo. Hein? Non, je ne sais pas pourquoi, en fait. Ben, moi, personnellement, ça ne donne plus, tout simplement. Et puis, je trouve que c'est du trouble d'aller leur porter, ce truc-là. Exactement. C'est difficile d'avoir à sortir de la maison. Ça peut te revenir cher, louer un jeu, et tu ne le rapportes pas dans le bon temps. C'est ça. Ou sinon, il faut que tu en prennes 3 fois. Pendant, mettons, 7 jours, tu sais très bien que tu ne joueras pas aux 3 jeux parce que tu n'as pas le temps en 7 jours. Non, c'est pas le fun. Par contre, aux États-Unis, je t'avais déjà parlé du service Gamefly qui est vraiment intéressant. C'est un peu le Netflix des films où tu t'as une liste de jeux que tu programmes à l'avance. Ils t'en envoient un. Quand, tu le renvoies quand t'en as envie, vraiment, ça peut être dans n'importe quel moment. C'est juste pour les jeux Gamefly. Et puis, ils t'envoient le prochain par la poste dans une enveloppe préaffranchie. Tu remets ton jeu dedans. Badaboum, badabing. Tout le monde est content. Ça, c'est brillant. C'est très, très brillant. Bref, notre sujet du jour, oui, c'est la Kinect de Microsoft, sortie très récemment, et puis tout le monde en parle. C'est le succès de l'heure, ça fait fureur, les gens capotent, n'est-ce pas? Oui, mais écoute, j'ai pas lu beaucoup de critiques sur Internet. Peut-être que toi, t'en as plus lu que moi. En fait, je t'explique un peu c'est quoi la Kinect. Kinect, en fait, c'est premièrement, c'est destiné à la console de jeu Xbox 360. Ça ne fonctionne pas avec le PlayStation ou la Wii. En fait, sa sortie européenne, là, ils disent européenne ici, mais américaine, je ne sais pas, mais c'était le 10 novembre. C'est ça, aux États-Unis, c'est le 4 novembre. Ah, OK. C'est 4 novembre au soir. Et puis, d'ici là, Microsoft a d'ailleurs annoncé qu'ils n'ont vendu 8 millions de Kinect. Impressionnant quand même. En fait, Kinect, c'est un sensor. Là, je vais m'exprimer dans mes mots. C'est comme un sensor qui capte, en fait, l'image qui est devant lui. En fait, c'est toi devant la télévision. Là, c'est mais une petite caméra qu'on installe sur la télé. Sur la télévision, ouais, c'est ça, exactement. On recule le divan. En masse, hein, parce qu'il faut quand même une longue distance. Parce que ça prend quand même beaucoup de place. Ça, en fait, ça, c'est un point à savoir à l'achat, parce que pour les petits endroits, des fois, ça fonctionne. Pour une salle de jeu ou la chambre d'un enfant, peut-être que ce ne sera pas assez. Non. Ou peut-être que ça va fonctionner, mais juste à un, parce que faut que tu sois dans le... Dans le range, si on veut, c'est ça. La superficie. La superficie adéquate pour pouvoir jouer à deux. Parce que la caméra scanne vos deux corps, c'est peu importe le nombre de joueurs, je crois que ça va jusqu'à 4, si je comprends bien. Moi, j'ai joué à 2, là. C'est vrai, ça va à 4. Mm. J'ai vu. À quel jeu est-ce que tu as joué, François, jusqu'à maintenant? J'ai joué à Adventure, qui vient avec, en fait, Kinect Adventure. Ça, c'est des activités. Comme en fait du rafting, il y a des courses d'obstacles, et puis il faut bloquer aussi des trous dans une boîte. C'est un jeu familial, si on veut. Ouais, c'est ça, toute la famille peut participer. Exactement. C'est fort simple en fait à comprendre et puis à jouer aussi. Puis c'est facile à être bon. Là. Ouais. Est-ce que tu as joué à des jeux plus hardcore un peu? J'ai joué aussi à Kinect Sport, okay. qui est qui est semblable en fait à Wii Sport. Et puis en fait on peut il y a du volleyball, il y a du eux autres ils appellent ça du football mais c'est du soccer pour les autres. Ping-pong est très cool. bowling, il y a de la boxe, l'athlétisme aussi est assez plaisant dans le sens que il y a du il y a du 100 mètres haies, il y a le sprint 100 mètres, il y a du saut en longueur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les poids, lancer du poids, lancer du javelot. Non, c'est vraiment, vraiment plaisant. Est-ce que ça doit faire quand même un drôle de feeling de jouer sans absolument aucun contrôle dans la main? Oui, c'est ça. Là, tu plugs ça après ton Xbox 300, parce que sinon, ils se vendent des kits là, aussi. Tout inclus, avec la console et des jeux, etc. Tout inclus. En fait, tu mets ton jeu là-dessus, tu pars ça, et puis... Là, premièrement, en fait, là, pour pouvoir démarrer en fait avec la Kinect, faut que tu dises bonjour à ta télévision. C'est ça, parce que... Avec le signe de main. Le système Kinect fonctionne avec toute la console au complet. Toute la console au complet. L'accueil et le revoir. Oui, c'est ça, exactement. Et puis même quand je mets Call of Duty, mettons, là, là-dedans, en fait, et puis je m'assis, je vois l'image que... Que la caméra voit. Ouais, c'est ça, capté, en fait. Pas en couleur, là, mais bon... En fait, ça fait scan d'aéroport un peu. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, là tu dis salut, ça fonctionne, ça te détecte, ça te reconnaît. Ça, c'est très, très cool. Intelligent, ouais, ça, c'est très, très cool. Et puis, tu y vas, en fait, là, tu navigues avec tes dossiers sans manette, toujours avec tes mains. Très rapport minoritaire. Ouais, ça fait vraiment là, un futuriste à fond. Et puis, t'as quelques mouvements qui t'enseignent dès le début, en fait, là, la première fois que tu l'ouvres. Il t'enseigne vraiment comment revenir au menu principal, c'est comme un start et puis ce truc-là. Et puis si tu sors de l'écran, en fait, ça met ça sur pause. Ça, c'est très fort aussi. T'as même pas besoin de faire pause sur un bouton. Non, c'est très cool. C'est très cool. Ouais. Parce que c'est sûr que en fait, ton pause a un petit délai, tu sais, dans le sens que. Au cas où que. Mais il faut que. Faut que ton mouvement soit l'autre. Il faut que tu gardes ton mouvement assez longtemps pour que lui puisse capter que c'est vraiment... que tu veux retourner dans le menu, mettons, là, si on veut. Et puis, ça répond bien. J'ai remarqué, des fois, quelques... comment je pourrais dire ça? Délai. Défaut de détection? Non, délai. Ouais, un petit délai, en fait, là, dans les mouvements. Écoute, c'est normal, il n'y a pas de manette, ces trucs-là. Ouais. Ça, c'est très cool, d'ailleurs, pas de manette, dans le sens que... Moi, je m'attendais vraiment à ce que la première version de cet appareil-là soit un échec total, puis que ça marche pas très bien, la technologie, mais apparemment qu'ils ont assez fait leur devoir, Microsoft, pour sortir un produit de qualité dès la première version. Ouais, ça fonctionne bien. Moi, en tout cas, j'ai rien à dire. Et puis, ça sert aussi de micro. Mettons, quand je reviens toujours à l'exemple de Call of Duty, mais quand je joue à Call of Duty, je peux vraiment parler, pas besoin de mon casque d'écoute. Donc ça peut être cool. Il y a des commandes vocales d'ailleurs qui se font. C'est très cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle pas en fait. Mais pour le prix, je trouve que ça vient de donner une toute autre console. C'est ça. Donc ça c'est intéressant. C'est pas cher. L'appareil en tant que tel, si tu l'achètes à part, c'est même pas si cher que ça. Non, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Et puis... seule chose, par exemple, présentement, il n'y a pas beaucoup de jeux disponibles. Non, mais ça va venir. Ils ne pouvaient pas savoir si ça allait être un succès dès le début, et je peux comprendre. C'est la même chose du côté de la PlayStation Move que moi j'ai à la maison. PS Move, j'ai pas joué tant que ça. J'ai joué T'as acheté le... Ben, c'était un bundle d'avant les fêtes, une espèce de méga rabais de la mort, évidemment. Parce que j'ai lu sur les forums avant d'acheter l'ensemble que j'ai acheté. J'ai fait mes devoirs aussi. Là, j'ai regardé et les gens disent que Sony et Microsoft, Sony en particulier, préfère ne pas laisser la chance aux magasins de faire des rabais sur leur console. Ils peuvent pas vendre la console en tant que telle à un prix plus bas que ce que Sony dit de faire. Donc, tout ce que les magasins peuvent faire, c'est faire des ensembles spéciaux avec quelques jeux gratuits ou des affaires comme ça, des bonus. Donc, dans un magasin quelconque, il y avait un ensemble à 350$ avec la Move vaut genre 100 quelque chose dedans et deux jeux qui valent... T'avais une manette de Move? Oui, une manette de Move. Il n'y avait pas le Navigation Controller parce qu'il y a deux manettes pour la Move. Contrairement à la Kinect qui a zéro manette. La Move, c'est un peu comme la Wii. T'as la manette avec la petite boule de lumière d'un côté et de l'autre côté, en option, si tu veux l'acheter, t'as celle avec les flèches, mais t'as pas besoin la plupart du temps de ça. Sinon, comme un nunchuck, si tu veux, pour la Wii, non? Genre, c'est un peu un nunchuck, mais en même temps, je sais pas. À date, pas sûr que ça va être celle-là qui va pogner le plus. Là. C'est un extra qui coûte quand même assez cher, que t'as pas besoin d'avoir. Puis c'est ça, en fait, c'est vraiment des boules lumineuses. Ouais, c'est ça, c'est une petite boule. C'est lettre, hein? C'est très lettre. C'est pas extrêmement viril, mais quand même. C'est une petite boule que moi, je pensais que c'était une boule plus solide que ça, mais en fin de compte, c'est vraiment du petit caoutchouc là où je sais pas trop quoi. C'est transparent, okay. En tout cas blanc. Plastique. C'est ça, exactement. Et moi, je pensais au début que tu pouvais choisir la couleur parce que j'étais tellement pas au courant, mais non, finalement... C'est rouge et bleu. C'est, ben, ça fait toutes les couleurs, finalement. Ça peut faire une variété de couleurs dans ton jeu, dépendant de ce que tu fais. Des fois, ça peut être mauve, ça peut être jaune, ça peut être n'importe quoi. Et puis non, j'ai bien aimé la précision de la move. Moi, le commentaire que je trouvais un petit peu déplaisant, c'est dans les magasins où j'allais, les gens passaient devant le kiosque de la move. Et puis, faisait tout le temps le commentaire, genre, « ça ressemble à la Wii ». Ben oui, c'est sûr que ça ressemble à la Wii. Oui. C'est le futur, c'est sûr. Et puis là, genre, l'autre disait, « c'est sûr que c'est meilleur que la Wii ». Puis l'autre disait, « ben, c'est sûr que tout est meilleur que la Wii. T'as pas essayé la Wii, man. » Non. Elle est bonne, mais, la Wii aussi. Non, mais c'est ça, toi, t'as la Wii. Qu'est-ce que t'as mieux? Ben c'est ça. J'ai la Wii, j'ai la PlayStation Move. Mais PlayStation Move, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas encore assez de jeux. J'aime la précision, mais j'aime pas le fait. Mais la précision, la Wii, c'était quand même surprenant aussi. Ben c'est ça. Surtout si t'avais le Wii Motion Plus, mais qui est seulement compatible avec certains jeux, qui faisait vraiment que ton mouvement au millimètre près était vraiment exact. Alors que la Wii, tout court, à la base, des fois, t'as peut-être de la misère à viser comme faux parce qu'il y avait un petit shakeage ou quelque chose du genre. Hein? C'était pas parfait. Mais moi, la différence que j'aime, c'est que la Wii, tu prends tes manettes, tu joues à peu près dans une espèce de large espace dans ton salon, un petit peu n'importe où, puis ça va marcher. T'sais. La PlayStation Move, c'est que tu dois te mettre devant la caméra de détecter tes épaules, et là, tu dois mettre ta manette en haut de ton épaule droite et autour de ta taille pour à peu près détecter. Là, tu vas devoir rester dans ce petit périmètre-là. Dépendant de la distance que tu as de l'écran, là, j'imagine que plus... Tu peux pas varier de droite à gauche un peu? Ben oui, mais pas autant. T'sais. Pas tant que ça? Pas tant que ça. En tout cas, j'ai trouvé ça moyen. Parce que c'est pas un gros défaut. Les mouvements obligatoires, ben c'est la même chose pour la Kinect. Là. C'est sûr que pour te reconnaître, en fait, là, t'as à peu près là, 20 mouvements qu'il faut que tu fasses là, pour vraiment qu'ils... Ouais. Mais ce qui est différent par rapport à la Kinect, c'est que t'as pas encore d'intégration, en tout cas moi que j'ai vu, dans le système. Donc t'as pas de t'sais, ils détectent pas ta face. Là, c'est pas ça le but de la chose. C'est en plus c'est une manette comme une autre. Là, ah, ouais. Donc non, c'est ça. Mais j'aimerais ça jouer plus avec la Move avant de pouvoir vraiment dire ce que j'en pense. À quoi t'as joué? Seulement Sports Champions, qui est aussi un jeu de sport. Hein, c'est vraiment la tradition dans toutes les consoles cette année, ou en tout cas ceux qui ont... toutes les consoles, finalement. Ouais. Sports Champions, c'est du tennis de table, du volleyball de plage, des duels de gladiateurs, du disc golf. C'est un genre de frisbee là, sur un terrain de golf. T'as le bocce. De botcher. C'est une affaire de boule de bois. Là. Et puis de l'arc, tir à l'arc. Ça, j'ai bien aimé le tir à l'arc. Vraiment, ce qui est le fun, c'est que tu peux acheter deux manettes avec la boule. À la place d'acheter le Navigation Controller, comme je t'avais dit, tu peux avoir deux trucs avec la boule pour faire le tir à l'arc, c'est bon. Le jeu te demande si tu as une ou deux boules. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi dans le fond, prendre deux boules tandis que tu peux acheter... C'est un petit peu dur à décrire à la radio, mais c'est que quand tu joues à l'arc avec seulement une affaire, dans le fond, ton mouvement, c'est juste reculer ton bras. Puis l'avancer. Puis ben, moi, c'est comme ça, l'avancer pour tirer. C'est ça. Alors qu'avec deux boules, là, je sais pas, j'imagine que tu pourrais juste... je sais même pas comment ça marche, en fait. Je l'ai pas essayé. Mais l'autre manette fonctionnerait, celle que tu dis avec les vierges? Non, aucune. Ça, je parlerai à travers mon chapeau si je te le disais. J'en ai aucune idée. Mais bref, non, ça, c'est une nouvelle technologie que j'ai bien hâte de voir plus de choses de ça. Parce que sérieusement, à un moment donné, tu te tannes des sports. Puis moi, je suis pas un gars de sport en tant que tel. Les autres jeux que j'ai vus pour la Move, en tout cas, à date, moi, m'intéresse pas tant que ça. C'est plus des jeux vraiment pour enfants. J'ai l'autre Start the Party que j'ai pas encore essayé. Ça a l'air d'être un jeu un peu comme t'avais Kinect Adventures. Bref. Voilà. Puis tu penses-tu que ça va. Ça va marcher? Ben, moi, je pense que oui. En tout cas, à date, ça a l'air de marcher. Hein? Oui, c'est sûr. Mais je pense que PlayStation n'a vraiment pas un marché pour la Move. Tu sais, dans le sens que... OK, tu me demandes si la Move va marcher en tant que telle? Oui, mais parce que PlayStation a vraiment un marché à part. Tu sais, dans le sens que c'est vraiment des gamers qui sont... C'est très hardcore. C'est très des jeux là, de gamers. C'est vieux, ça. Ça s'adresse pas beaucoup aux jeunes. Mais je sais pas. C'est pas assez familial, mais c'est peut-être justement le marché qu'ils essaient de se créer avec ça. Peut-être que pourrait être un succès. Mais à date, comme on l'a vu, Kinect se vend beaucoup plus que la Move. Je pense que ça, c'est indéniable. Côté, qu'est-ce qui est le futur, c'est peut-être plus Kinect, donc peut-être que Move regrette d'avoir, Sony regrette d'avoir sorti la Move à ce moment-ci, et là, ils ont dépensé tellement d'argent sur la Move qu'ils peuvent pas vraiment revenir en arrière et juste tout de suite sortir un nouveau produit. Peut-être qu'ils vont devoir attendre un petit peu, ou peut-être même qu'ils vont pouvoir améliorer Move, puis que les jeux qu'il y avait avec la Move, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, sérieusement. Je sais pas. Est-ce que ça va être un nouveau produit? Est-ce que ça va être une amélioration de la Move? J'avoue que le nom et la façon de faire la Move, c'est bien. Ah. On verra, mais la Kinect est peut-être pas mal plus le futur que le Move. Non, c'est vraiment le fun. Et puis Danny Janvier aussi, qui anime le 19 con, l'a essayé lui aussi. Puis... Peut-être nous en parlera-t-il un jour. C'est ce qu'il disait. Voilà. Bref, c'est ça. C'est à voir. Je pense qu'on a un long bout de temps avant de savoir. Ben, pas un long bout de temps. Je pense que là, maintenant que c'est un succès depuis, le, depuis les fêtes, là, ça va débloquer en ce début d'année, je pense. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut débloquer? Les jeux. C'est sûr que ça va venir. Il y a quand même, quand t'en as vendu 8 millions, là, c'est parce que tu vas faire de l'argent aussi avec les jeux. Là. Exactement. C'est pas avec 10 jeux que tu vas. Non. Les gens investissent dans le futur de leur petite console pendant qu'il reste encore du temps, ces consoles-là, hein, parce que les cycles de vie des consoles, à un moment donné, ça a une fin. Hein. Ouais. C'est tout pour la chronique CNX aujourd'hui. Prochaine fois, une autre fois. Un autre sujet. On sait pas. Une fois par mois. J'essaie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Charles-André? Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de lecture. Parfait. Et j'ai trouvé qu'à la session passée, j'amenais, des récits variés, des choses intéressantes, mais c'était peut-être un peu trop souvent des bonnes choses. Ah! Alors là, je vais essayer cette session-ci d'amener des choses moins bonnes pour qu'on ait l'occasion de chialer un peu. je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être déçues de ça parce que eux autres affectionnent en particulier certaines œuvres qui vont se retrouver un peu rabrouées par ma personne. Mais c'est nécessaire, c'est du domaine de l'objectivité que je voilà donc. Or. Parfait. Et pour poursuivre aujourd'hui, je vous ai amené un livre qui m'a récemment été prêté par ta copine Dani. Oui. Il s'agit du récit. C'est les récits d'un pèlerin russe. Oui, voilà. Oui. Donc, j'étais vraiment intrigué par le livre au moment où est-ce qu'elle me l'a prêté, parce qu'elle m'avait déjà prêté un livre sur des contes russes traditionnels de Russie, et c'était vraiment fascinant. J'avais trouvé ça extraordinaire, et j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ces récits d'un pèlerin russe, et j'étais malheureusement déçu. Désolé, Caroline. Ben ça arrive, on peut pas tout aimer. Ben oui. Exactement, mais je vais quand même vous parler... Parle-en un petit peu. Oui, si néanmoins. Donc, les récits d'un pèlerin russe, il faut savoir qu'ils ont paru pour la première fois à Kazan, vers 1870. Cette première édition était, semble-t-il, fautive et peu sûre. Une version correcte des récits a ensuite été publiée en 1881 à Kazan et rééditée en 1884. Il n'y eut pas en Russie d'autres tirages avant les événements de 1917 et après la Révolution, les récits ont été réimprimés à Paris en 1930 par les soins du professeur Vyacheslav Stavishev. OK. Et puis, ça raconte quoi, en gros? Est-ce que tu as eu le temps d'en lire un peu? Oui, je suis rendu presque à la moitié. Okay. Je vais le lire au complet quand même. Et bon, c'est l'histoire d'un pèlerin, d'un homme... D'un pèlerin russe, je gage. Oui, exactement. Un homme qui cherche la foi et à la base, il se demande comment il peut prier Jésus de façon continuelle, jour et nuit. Sans arrêt. Là, il est en quête d'une réponse de ça. Et puis bon, il y a quand même certains propos qui sont très lumineux, très spirituels, très agréable, mais en général, le gros bémol, l'immense bémol, c'est que c'est beaucoup trop dogmatique. Okay. Comme pour donner l'exemple du dessin animé Wizards dont je vous avais parlé, il y a une critique de la religion dans le dessin animé. T'as un rabbin juif et un prêtre catholique qui exécutent toutes sortes de singeries, qui se tapent ses fesses avec des morceaux de bois pour un peu rire des dogmes, des superstitions des gens pieux. Et donc, le problème, c'est pas la piété en tant que telle. Le problème, c'est pas la foi, ni même Dieu en tant que telle. Le problème, c'est l'excès de dogmatisme qui devient carrément des genres de superstition. Et on dirait qu'ils ont des gris-gris, là. Des gris-gris, exactement. Et puis, c'est mis de l'avant par l'Église catholique. Pourquoi? Parce que ça leur profite. En fait, l'Église catholique, ils ont fait peur aux gens avec le concept de l'enfer, un concept qu'ils ont inventé de toutes pièces, à mon avis. Et puis, justement, ils ont utilisé cette peur-là pour les contrôler. Et puis, avec cette peur-là, ils leur ont... comment je pourrais dire ça? Comme je disais, c'était du contrôle. Et donc, pour ensuite leur vendre l'idée du paradis, la dîme, qui était en fait 10% du revenu du chrétien, qui était versé à l'Église dans l'espoir de réparer ses péchés et de s'acheter un paradis. Donc, on a carrément utilisé la peur pour extorquer de l'argent et contrôler les gens. Alors, moi, honnêtement, l'Église... Mais la peur contrôle encore les gens. Regarde aux États-Unis tout ce qui se passe. Oui, exactement. C'est par la peur qu'on a tout transformé notre façon de vivre. Et la sécurité, tout ça. Et donc, la peur qui est l'outil principal du despote. Et du mal, dans le fond, à la base. Exactement. Alors, j'accuse l'Église catholique d'avoir été et d'être encore despotiste et de manipuler les gens et de les extorquer, donc. Et bon, justement, je vais vous lire un extrait pour vous montrer un peu le petit côté gris-gris là, du livre. Tu sais que la raison de tout homme est dans sa poitrine. Oui, naturellement. La raison, on sait que le cerveau, hein, c'est dans la poitrine. Tout à fait. À cette raison, enlève donc toute pensée. Tu le peux si tu veux. Et donne-lui le « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi ». Efforce-toi de remplacer par cette invocation intérieure toute autre pensée et à la longue, cela t'ouvrira sûrement le seuil du cœur. C'est là un fait prouvé par l'expérience. Alors là, j'ai l'impression là de lire là, des récits sectaires, des trucs superstitieux qui traitent de gris-gris. De magie. Oui, exactement. C'est des choses inventées, là, c'est des élucubrations. Alors moi, à la base, je m'attendais à quelque chose de... Oui, j'ai une vie spirituelle. Oui, j'aime la spiritualité. J'aime même les religions, c'est dire. Mais moi, j'aime mieux les religieuses là, de 19 ans. Genre. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus universel. Tandis que là, c'est vraiment définitivement un livre qui est taché du dogme catholique. Et c'est une déception à ce niveau-là. Alors, c'est correct. Alors, seulement pour les catholiques fervents, purs et durs, dogmatiques, les récits d'un pèlerin russe. Donc, pour te nettoyer les oreilles, tu vas nous offrir du rock and roll? Oui, exactement. Alors, donc, si on suit le principe du rock alphabétique, on commencerait... Bon, c'est sûr qu'il y a le American Alcoholic Band, là, tu sais. Ouais. Qui aurait pu être en premier, mais... ABBA. Oui, ou ABBA, exactement. Ben, c'est AB, là, t'aurais été parfait. Mais bon, je mangeais un pâté au veau, là, les comment qu'on appelle ça, pas les rognons de veau. Riz de veau. Du riz de veau, voilà, un pâté au riz de veau. Le Belge, ici, au centre-ville, il fait il ça. Il paraît qu'il est très bon. Hein? Oui, il est bon, son petit pâté. Puis son pain aussi, le pain du Belge est excellent. Il vend même quelques fromages, assez décent, merci. Et puis, je mangeais ça, puis je trouvais le pâté bon, mais je me disais, oh, je suis pas un fan d'ABBA, moi. Non, t'aimes mieux les... The Rock. Exactement. Et donc, trêve de plaisanterie douteuse, on va immédiatement passer à l'écoute de cette pièce musicale que vous allez reconnaître dès les premières notes et on s'en parlera au retour. Vous êtes dans le Dîner de con jusqu'à 13h. Restez là et profitez-en. Thunderstruck, vous l'aviez deviné, cette pièce d'AC/DC, probablement la plus célèbre. Bon, je veux pas vous décevoir, mais cette session-ci, je vais passer des pièces assez typiques, merci. C'est le principe de la chronique du rock alphabétique. Alphabétique parce que on va voir à peu près tout ce qui est important, ou du moins tout ce que moi j'aime, dans la musique rock, de A à Z. Alors, attendez patiemment vers la fin de la session si vous aimez Who, puis Yes. Ou Zappa. Ou Zappa, exactement. Ça va être probablement parmi les derniers. Puis je vous le dis tout de suite, bon, étant donné qu'on n'a pas 26 semaines d'animation, des fois, il va y avoir deux lettres dans la même semaine. Ouais, par ouais. exemple, ça va être le cas cette semaine. Demain, on continue avec la lettre A. On va parler de Aerosmith. Et puis, on va finalement évoluer vers le B tranquillement là pour le restant de la semaine. Mais tout d'abord, Thunderstruck. Quelle pièce magnifique, n'est-ce pas, Danny? Ben, moi, ça me fait penser à des games de hockey puis des parties d'aréna. Oui, mais c'est, je veux dire, bon, c'est une pièce qui se prête bien à toutes sortes de circonstances, mais faut pas oublier qu'à la base, c'est l'œuvre en tant que telle qui est importante et non ça, la connotation. Ça, c'était sorti en 90, hein? C'est ça, je viens oui, de voir. Oui, c'est assez récent. En fait, c'est la première piste de l'album de Razor's Edge qui est paru en 1990. Et l'album de Razor's Edge est en fait le 13e album du groupe. Au moment où est-ce qu'ils ont enregistré ça, ils avaient un bon bagage derrière eux. Ils avaient de l'expérience. Mais AC/DC, il faut savoir, bon, pour ceux qui connaissent moins ça, que c'est un groupe de rock australo-britannique formé à Sydney en Australie en 1973 par les frères Young, respectivement Angus Young et Malcolm Young. Bien que classé dans le hard rock et considéré comme un pionnier du heavy metal, les membres du groupe ont toujours qualifié leur musique de rock and roll et je suis parfaitement d'accord avec cette qualification. C'est pas mal un exemple du rock AC/DC. Là. Oui, exactement, parce que pour moi, le hard rock, ça c'est plus des groupes des années 80, un peu là, comme Def Leppard, Bon Jovi. Là. Moi, j'ai toujours associé un peu plus glam, un peu. Oui, exactement. J'ai toujours associé le hard rock et le glam. Je trouve que entre les deux, la différence n'est pas loin. Là. Est pas extrême. Tandis que ça, AC/DC, c'est beaucoup plus, je ne veux pas dire authentique. Moi, je dirais oui, parce que le glam, moi, pourquoi je trouve que le hard rock ressemble au glam, c'est que le look est très soigné, puis ça prend des cheveux avec une coiffure. Mais il y a aussi les solos de guitare très vertueux. Mais aussi le look des bands dans le hard rock et dans le glam, c'est bien important. C'est sûr qu'il y a des designers qui choisissent leur linge, puis des coiffeurs qui s'occupent. Très accrocheur aussi à la musique, ouais. Des musiques à refrain. Moi, je trouve que c'est plus guidoune, personnellement. Un peu, mais bon, je veux dire, moi, j'ai vraiment ce côté kitten-là et je l'assume totalement. Je raffole du glam, en fait. Mais tout ça pour dire que AC/DC, donc, un peu plus authentique, un peu plus précurseur, un peu plus rock and roll, on les aime bien. Et ils ont même parfois un petit côté progressif sur certains de leurs albums que je suis loin de détester. Ben merci, Charles-André. Ça me fait très plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Et François... Mathieu Plante. François... Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que tu veux me chialer un peu quelque chose à l'oreille? Oui, mais pas à toi, parce que toi, t'es fin. Tu fais rarement les affaires pas correctes. Rarement. Mais tu peux me chialer quelque chose à l'oreille aussi. OK. OK. Mmh. En même temps que les autres. Il y a tout le temps de quoi. C'est tout le temps de quoi. La vie est faite de moi, t'es pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de moi, t'es pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Matt? Est-ce que je vais vraiment être obligé de te chuter à l'oreille tout le long? Non, tu peux parler. Je peux parler avec un volume normal? Oui! Pour que les gens entendent. Oui. Ce qui me dérange cette semaine, François, là, ça me dérange vraiment beaucoup. Mais c'est dérangeant. Pour la société, c'est dérangeant aussi. Que ça existe? Oui. OK. Mais encore une fois, on va l'expliquer pour commencer. C'est des cours qui sont offerts par une place, une business, une entreprise, d'accord? Puis c'est une grosse place. Là. Je comprends pas pourquoi cette place-là a décidé de faire ça. Je te laisse faire ça. C'est une grosse place, comme tu dis, beaucoup de lettres là-dedans. Beaucoup de lettres qu'on retrouve pas souvent dans grand chose, comme mettons un X. Il y a des cours, mettons, bon, tu peux suivre un cours pour l'environnement Windows. Bon, tu sais, je comprends. Mettons, tu viens d'arriver dans les ordinateurs, ça va, c'est parfait. Windows XP, Windows 7, ça va. Bon. Access, bon, quelqu'un pour avoir besoin, bon, c'est correct, c'est dur. C'est une compliqué. Base de données. Oui, oui, c'est ça. Excel pour faire des feuilles de calcul, j'avoue, parfait. T'as un module 1, module 2, des fois, t'as des modules plus avancés, des fois, t'as pas besoin d'avoir tout. Bon, Word, c'est correct. Outlook, ça peut aller. Ou PowerPoint, OK, Publisher, merveilleux. Mais après ça, il y a une option qui s'en vient. Ça va être un cours pour apprendre Facebook et Twitter. Je peux pas croire. Les prix, c'est environ 100$ par jour par personne, plus taxes manuelles en su. Manuel en su. Donc, manuel Urtubise coûte extra. C'est cher. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps. Donc, si tu prends une journée complète, et là, il y a des cours qui prennent 2 jours, donc ça dépend. Mais c'est ça. Tu prends un cours sur Facebook ou sur Twitter. Hey! Hey! Pour 100$, si t'as pas, si t'as pas un membre de ta famille ou un ami pour te le montrer, c'est que t'auras pas d'amis avec qui être ami sur Facebook après. Fait que, où est le but? Non, mais... Puis si, en tout cas, c'est vraiment... Excusez-moi, c'est vraiment innocent. Dans le sens que si tu sais pas comment ça fonctionne, t'as pas d'affaire. Ben, c'est ça l'affaire. Et puis... Ah non, ça... Mais tu vas être ami avec qui, sérieusement? Si t'as personne pour te montrer comment y aller... Ça me choque. C'est peut-être les gens, en fait, là, comme peut-être, exemple... Une grand-mère. Ben c'est ça. C'est sûr que c'est ça le but. Mais qui veut savoir c'est quoi. Mais à la limite, essaye-le, crée-toi un compte. Puis si tu sais pas comment te créer un courriel en partant, ben oublie ça, c'est peut-être pas pour c'est toi. Puis si t'as pas eu besoin de te créer un courriel là, je pense pas que t'en aies besoin. Si tu t'es pas créé de compte, puis tu sais pas comment, ou que t'as pas d'ordinateur, puis tout ce que tu veux, c'est savoir qu'est-ce que c'est Facebook, ben peut-être que ça devrait juste pas te toucher, puis peut-être que tu devrais juste laisser faire. Parce que ça donnera rien, tu verras pas. C'est quoi, tu veux savoir quand ton petit-fils va te demander, ah, mais quand il va dire, hey, j'ai mis ça sur Facebook, là, tu vas savoir la référence, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, c'est juste ça, tu vas payer 100$ pour une journée plus le manuel. C'est n'importe quoi, tant qu'à ça, va au centre d'achat, puis tape facebook.com, puis c'est marqué dessus comment s'inscrire, non? Tu sais? Il y a des kiosques pour ça. Je comprends juste pas. Non, ça me va pas. Non. Mais bon, il y a sûrement eu de la demande pour qu'ils fassent un cours sur ça. J'imagine, mais c'est fâché parce qu'ils vont faire de l'argent. Sur le dos de monde qui devrait juste prendre un cours pour comment aller sur Internet. Je veux dire, commence par ça. Suis un cours juste pour aller sur Internet. Oui, parce que je vois, il n'y en offre pas. Puis par la bande, tu vas savoir c'est quoi Facebook. C'est ça, parce que Facebook, c'est un site web comme un autre. Là. Si tu es capable d'aller sur msn.ca, tu es capable d'aller voir tes courriels sur Yahoo Mail ou peu importe, tu es capable d'aller sur Facebook. Là. Je ne sais pas. Peut-être que oui, bon, il faut savoir comment protéger ses photos, mais c'est quand même relativement bien expliqué là, maintenant sur Facebook, là, même que c'est très bien expliqué. Comment protéger ses photos? Ouais. Ah. C'est quand tu fais l'album, il y a un petit cadenas à côté. Fait que ça veut comme dans la vie, ça veut pas mal dire sécurité. Ça veut dire. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Une autre affaire qui me dérange, c'est le papier. Ça venait sur un petit carnet, un petit pamphlet, un petit dépliant d'un centre de loisirs. Il y en a plusieurs à Trois-Rivières, donc ça ne dira pas exactement le nom du centre. Mais la première page du livret dit « Téléphonez-nous, voir page, mettons, 59 pour le numéro de téléphone ». Mais c'est la page couverture, c'est là, ça marque « Allez voir le numéro ». Fait que là, pour aller voir le numéro de téléphone, faut que tu vires le livret à l'envers. Là, je l'ai pas avec moi. Faut que tu vires à l'envers pour aller voir le numéro. C'est sûrement la tactique, c'est sûrement de dire « On veut que le monde feuillette le livret et cherche la page 51 et peut-être qu'ils vont tomber sur des activités ». Mais tu sais, c'est ton numéro de téléphone. Ouais. Pas obligé de le cacher. Là. Ouais, c'est pas... devinette, attention, mon numéro de téléphone, c'est prends pi multiplié par le chiffre donné par la soustraction de l'année. Si je cherche trop, il risque de tomber sur ton concurrent. Mais c'est bon. Ça, exactement. Exactement, parce qu'ils vont chercher centre de loisirs quelque chose, puis ils vont tomber sur le mauvais. C'est ça. Ça me dérange. Je trouve que le monde pense pas trop. Réfléchissez. Non, des fois, ça, les gens s'abstiennent de penser. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et. C'est ça. Ça fait du bien d'en parler. Des fois. Donc, c'est quand que je m'inscris à ça? Attends, c'est marqué à venir. C'est pas marqué les dates encore. Non. Bien. Mais t'as du dépannage téléphonique gratuit et illimité. Donc t'as un numéro 1-800 pour le dépannage après. Fait que tu dépenses ton argent, puis après ça, ben... Hey, là, je sais plus quoi faire! Comment je fais, pour... Hey, comment je fais pour me trouver des amis? Comment je fais pour me créer un ami? Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Un bar installe un aquarium avec de véritables sirènes. Quand même assez intéressant, long de plus de 12 mètres et pouvant accueillir une capacité de près de 27... Non, c'est pas 27 litres, c'est, ça doit être 27 000 litres. Parce que là, 27 litres d'eau, c'est passé. Donc, cet aquarium géant, on sait, il mesure 12 mètres, donc on voit la grosseur. Du Dive Bar, le nom du bar, à Sacramento, en Californie, ne contient pas que des poissons. Il est placé au-dessus du comptoir et accueille également deux ravissantes sirènes, maquillées et costumées pour l'occasion. Les deux jeunes femmes, Rachel Smith et Ellen Hancock, exécutent chaque soir un ballet féerique sous le regard émerveillé des clients. Donc, évoluant derrière leur paroi de verre dans un décor digne d'un studio de Hollywood, eh bien, elles nagent durant de longues minutes, ne sortant la tête que pour respirer pendant quelques instants, explique omgshot.com. Ce projet démesuré et pharaonique a été imaginé par le gérant du dive bar, donc George Carparty. Carpathy, c'est bon. Et ce dernier explique d'ailleurs au Sacramento Press que cet aquarium impressionnant pourrait tenir debout, même si un tremblement de terre venait secouer Sacramento. Donc, c'est une immense réservoir d'eau, un immense réservoir d'eau, agrémenté de belles sirènes. Allez voir les images sur la page Facebook du Dîner de con. Elles sont déjà là. Bien oui, je suis une machine. Ça se dit-tu? Une nouvelle un peu plus spéciale, celle-là, ça nous dit qu'insulter son enfant permettrait de le rendre plus fort. C'est Amy Chua, sino-américaine et professeure de droit à Yale, qui s'est rendue récemment célèbre grâce à une tribune publiée dans le Wall Street Journal, où elle vante les mérites de l'éducation à la chinoise. Ainsi, elle explique toutes les techniques efficaces dans l'éducation des jeunes enfants. Pour commencer, il est interdit de dormir chez une amie. Impossible. Interdit d'aller jouer chez une amie, de jouer dans la pièce de l'école ou encore de regarder la télé, de jouer sur l'ordinateur et d'avoir moins de 20 sur 20. Les enfants chinois plus solides psychologiquement, eh bien, on ne sait pas. Le but affiché c'est de rendre l'enfant toujours plus fort psychologiquement en ne tolérant jamais un seul échec. Avoir 18 sur 20 au lieu de 20 sur 20 est donc un échec impardonnable. Plutôt que de chercher à concilier l'éveil chez l'enfant par le dialogue, Amy Chua estime que dire à son enfant « gros lard » ou « pourriture » lui permet, dès son jeune âge, d'affronter les problèmes de la vie. OK. Loin d'imaginer que de quelconque séquelle, il apparaît à la mère chinoise que les enfants de l'Empire du Milieu sont bien plus solides psychologiquement que nos enfants occidentaux. Elle provoque bien sûr un tollé sur la toile et puis le choc culturel est garanti pour les Occidentaux. Mais Amy Chua explique cette différence par le fait que la vie de l'enfant représente une sorte de dette envers les parents et que le nouveau-né passera sa vie à rembourser son dû et étant fière et docile, elle voit les enfants occidentaux comme trop gâtés avec des parents trop indulgents. Ça, ben là-dessus, je suis véritablement d'accord avec Amy Chua. C'est vrai que nos enfants sont beaucoup trop gâtés et que nous, on est un petit peu trop mous. On est des parents guenilles, comme on dit. Mais là, c'est tout ou rien. Hein. Sur Internet, nombreux sont ceux qui se demandent si cette femme a publié une tribune satirique ou si elle est bien sérieuse. Et sur Twitter, Amy Chua voit même son nom utilisé dans un hashtag Amy Chua. Quoi qu'il en soit, cette polémique lui a permis une certaine notoriété. Et puis, gars, on en parle aujourd'hui dans le Dîner de con. Donc, Madame Amy Chua, hein, vous voyez que vos paroles vont très, très loin jusque sur le campus de l'UQTR. Parlant du campus de l'UQTR, eh bien, 11h21 sur ce dit campus. Et puis, on va y aller avec une nouvelle, ma foi, vraiment macabre pour un fait divers. Mais bon, il invite sa petite amie à regarder un épisode de Dexter et la découpe à la hache. OK. Donc, Dexter donnerait-il des envies de meurtre? Le 12 décembre dernier, Deborah Flores Narvaez, une danseuse de 31 ans, prévient sa colocataire qu'elle se rend chez son petit ami Jason Griffith à Los Angeles pour y regarder un épisode de la série Dexter. Depuis, plus de nouvelles de la jeune femme jusqu'à ce que la police retrouve son corps découpé en morceaux et coulé dans du ciment vendredi dernier au domicile de son compagnon. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple s'est disputé L'homme a battu à mort sa compagne et a paniqué. Il a alors découpé le cadavre à la hache avant de le dissimuler dans du ciment frais à l'aide de son colocataire. C'est ce dernier qui a craqué et a prévenu la police près d'un mois après le forfait. Au moins, il y en a un qui a eu une conscience. Jason Griffith a indiqué aux enquêteurs qu'il n'avait pas prémédité son geste. Et puis en octobre, il avait déjà été entendu par la police après avoir violemment frappé Déborah, inculpé pour meurtre. Il devrait être jugé prochainement et condamné assez sévèrement, s'il vous plaît. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bon, ben, Dactylo Time! Dactylo Time, ah ouais, Matt, pointe ton bord. Ah, et ça que t'es plus rapide que moi. Ah, mais ben moi, je suis vite, de même, c'est le piton. C'est le moment de la chronique, c'est un fait où on parle de choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, dictable et fiable. Dictable et fiable. Les trois V. Commençons, François, par un fait que tu vas peut-être aimer, apprécier. Oui. D'accord. Peut-être. Connais-tu la condition psychologique très, très rare qui fait que certaines personnes amputent leurs membres? Différents membres. On okay. parle des bras, des jambes. Non, je comprends. Mais tu peux-tu répéter ton information? Oui, tout à fait. Juste pour être sûr de bien comprendre. C'est une condition psychologique rare qu'on appelle le Body Integrity Identity Disorder ou le BID. Oh, OK, OK. D'accord. Ouais. T'as déjà entendu parler un peu? Ben, vaguement. Je pense que, en fait, là, c'est vraiment, c'est ça, mentalement, en fait, là, eux autres ont comme pas l'impression d'avoir... Qu'il devrait pas y avoir ça, là. C'est ça, exactement. Dans leur tête, c'est comme, c'est quelque chose de trop, leur corps a un corps étranger. Et ça, même s'il est bien placé. Là. Exactement, le membre est tout à fait normal, c'est plus dans la tête que ça se passe. Donc, plusieurs choisissent... la chirurgie, évidemment. Si les docteurs veulent bien faire ça pour eux, j'imagine que c'est rare. Mais c'est ça ma prochaine question. C'est écrit, mais y a-t-il des docteurs qui... Apparemment que oui. Il y a des docteurs qui peuvent amputer ou encore paralyser les membres de ces personnes-là. Paralyser les membres. Je sais pas, c'est bizarre. C'est tout à fait bizarre. Des fois, les gens qui souffrent de BID sont trop désespérés et les docteurs veulent pas les aider, donc ils prennent les choses entre leurs propres mains. Voilà. Et puis, ils vont scier, couper, congeler, ou même, il y en a qui vont faire exploser les membres avec des armes à feu. C'est quelque chose. Les chercheurs croient que cette condition a un rapport avec un lien avec les autres désordres, si on veut, de l'image corporelle. Par exemple, l'anorexie, le gender identity disorder, où la personne croit qu'elle n'est pas du bon sexe. Finalement, on connaît tous ça. Mais pour les membres, là, ouais. Ça soigne pas? Je sais pas. Là. Ça pourrait être une bonne question, mais... Ça doit être dur de faire des recherches là-dessus, hein, parce que je veux dire, les gens ne vont pas nécessairement s'avancer pour le dire. Hein. Parce que, tu sais, ça peut être utile un bras ou une jambe. Peut-être pas pour certains. Mais de là à la faire paralyser, où là, ça devient vraiment, excusez-moi, plus un fardeau dans le sens que. Ton membre est là quand même, ben c'est ça, exactement. Ah, c'est vraiment bizarre. C'est spécial. Mmh. Toutes ces choses-là ont l'air d'être seulement psychologiques, mais ça pourrait aussi avoir un lien avec des différences physiques dans le cerveau lui-même. Donc, apparemment, peut-être des branchements dans le cerveau qui seraient différents. Bon, voilà pour ça. Malgré le fait que ce pays-là a 211 aéroports, le pays complet du Pérou. 211 aéroports? 211 aéroports au Pérou, mais il y a par contre un seul héliport pour 211 aéroports. Eh bien, moins d'hélicoptères qu'on pourrait le penser. Il y a plus de 300 000 restaurants de fast-food aux États-Unis. 300 000, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Le film Avatar prend prend plus d'un pétaoctet de disque dur. Un péta? Exactement, très bonne question. Un pétaoctet, c'est l'équivalent de 500 disques durs qui auraient une capacité de 200 téraoctets chaque. Parce que là, c'est la mode en ce moment, les disques durs de 2 téraoctets. Donc, c'est 500 disques durs de 2 téraoctets. Un pétaoctet. D'accord? Donc, parce qu'un téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Quelque chose du genre. C'est l'équivalent, nous dit l'article, d'un fichier MP3 de 32 ans de long. On ne dit pas la qualité ici, mais 32 ans de long, ça reste long. Hein. Le film a été filmé en 3D et rendu dans un des plus forts data centers du monde, donc où il y a le plus de choses pour faire du rendu de vidéo. Hein. On dit 40 000 processeurs, 104 téraoctets de RAM, Sacrifice. On pourrait s'imaginer, et de façon réaliste ici, qu'une portion significative du budget de 300 millions de dollars du film a été passée sur du storage. Du matériel pour emmagasiner ces données-là. C'est beaucoup de choses. Mais encore là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu sais, dans le sens que tu mets tellement d'emphase pour garder la qualité optimale, mais veux pas, tu le graves sur un CD. Tu le compresses sur un Blu-ray ou sur un DVD, j'avoue que tu finis par en perdre, mais pour les écrans de cinéma, peut-être que... Ah, j'avoue. Puis superbe film, là, je veux pas parler. Tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas encore vu. Ah, ça vaut la peine, Marc, pour vrai. Mais il sortait hier, je pense. Non, ben non. Il est sorti un bout, là. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui sortait hier? Ah, c'est le film de Facebook. Ah, c'est pareil, donc. Je les confonds tout le temps, ces deux-là. Mark Zuckerberg a l'air d'un extraterrestre. Tu sais ce que tu veux dire? C'est un peu insultant pour lui, je trouve, mais bon. Il a une drôle de couleur. Il me semble qu'il a un drôle de teint. Savais-tu que Mrs., tu connais l'abréviation en anglais MRS. Mrs.? What? Quand une femme est mariée, c'est Mrs. Quand elle n'est pas mariée, c'est Miss. Genre MS, quelque chose genre. Bref, c'est une abréviation MRS pour le mot mistress, donc une maîtresse. Monsieur, c'est la forme féminine du mot Mister, qui venait à l'origine de Master. Et à travers les années, les gens ont comme changé le nom de la femme mariée et le mot mistress a pris la définition d'une amoureuse illicite, quelque chose qui était très, très différent de sa connotation d'origine. Donc, les femmes mariées ont arrêté d'épeler le mot au complet mistress et ont commencé à écrire MRS, ce qui est beaucoup plus respectable. Parce que c'est pas une maîtresse telle que non. On s'est approprié le mot pour dire c'est ce que ça veut dire. Parfait, merci, Mister. Mister, fait plaisir, mistress. Des voleurs très, disons, polis au Japon ont écrit une note de remerciement à une banque après l'avoir volée. C'était le plus gros vol de banque de l'histoire du Japon, un vol de 5,4 millions de dollars et les voleurs ont envoyé une lettre à la Fukutoku Bank qui disait « Merci beaucoup pour le bonus. On va pouvoir vivre sur ce montant-là pour le restant de notre vie. » Ils ont-ils été retrouvés? C'est sûr, non, l'histoire ça ne dit pas. Ça dit pas, mais... Beau petit message, ouais, sympathique. C'est dans les dents. Savais-tu qu'une vache donne presque 200 000 verres de lait dans sa vie? Quand même. 200 000? Moi, je suis impressionné. C'est beaucoup. On parlait d'un désordre tantôt assez particulier où les gens se coupent leurs membres parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne devraient pas être là. Il y a d'autres gens qui ont une autre condition qui s'appelle le Exploding Head Syndrome, le syndrome de la tête qui explose. C'est un étrange phénomène qui est extrêmement rare. On n'a pas pu prouver que ça avait rapport avec un désordre médical. Ces personnes-là entendent un bruit extrêmement fort dans leur tête pendant qu'ils dorment. Donc, tu dors. Pendant qu'ils dorment, mais pendant qu'ils rêvent, en fait, ils rêvent à ça. Exactement. Et là, ça fait une explosion dans leur tête. Une explosion qui, eux, ont vraiment l'impression que ça arrive d'exploser à côté d'eux. C'est ça. Donc, après ça, ils réalisent évidemment que c'était que dans leur tête. La condition n'est pas dangereuse, ne fait pas mal non plus, mais ça peut causer un manque de sommeil, de l'insomnie, etc. Les chercheurs croient que le syndrome est probablement causé par un stress extrême ou par l'épuisement. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, un docteur, est-ce qu'il va pouvoir voir que c'est un son. Certains décibels. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, je sais pas si toi, Mathieu, ça t'est déjà arrivé. Ça, mais non. De rêver, mettons que tu tombes. Oui, ça, oui. Puis tu te réveilles, puis, tu sais, ça revient un peu au même. Ça revient au même. Mais si c'est un son et que la personne entend vraiment un son, et peut-être que ça pourrait faire péter ses tympans, je sais pas, tu sais, s'il y a l'impression. C'est peut-être un. Mais encore là, si c'est à l'intérieur, c'est impossible que ça pète tes tympans. Non, c'est un. On sait pas. Vu que ça dit que c'est pas un syndrome, c'est pas quelque chose de médical, mais on sait pas. Peut-être qu'ils vont finir par trouver que peut-être que c'est le cerveau qui produit. Un son, je sais pas, moi, qu'est-ce que c'est? Je connais pas, je suis pas médical, pas médecin. Pas médecin. Je porte pas un stéthoscope autour du cou comme à Radio-Canada pour faire crédible, tu sais. Hein? C'est-tu drôle, ça, pareil? Quoi ça? Faut vraiment qu'ils portent un stéthoscope autour du cou. Ah, dans l'émission. Pour qu'on croit que c'est des docteurs, c'est tout ça, c'est ça. Ouais, j'imagine. Sinon, on croirait pas que c'est des docteurs. Même si c'est écrit docteur, quelque chose comme ça. Je sais pas. Je t'avoue que je l'écoute pas, cette émission. C'est bon, par exemple. Ouais. Sais-tu que le pain, c'est 35% composé d'eau? Ouais. Bon, 35%. OK. Savais-tu que Matthew McConaughey et Daniel Day-Kim, qui étaient dans Lost, Daniel Day-Kim, c'est le gars dans Lost, ont tous apparu dans des reconstitutions, dans des épisodes de Dossier Mystère? Oh, ouais. Ouais, dans le temps. Il y a des extraits sur YouTube. Ouais. Intéressant. Ça finit sur un beau fait. Hein? Ah, c'est fini. Ben ouais, c'est tout. Ah, ouais. Merci, Matt. Est-ce que t'en veux un dernier? Ah, ben, pourquoi pas. Sais-tu que Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy, était supposé d'être dans un des avions le 11 septembre? Ah, oh, ouais. C'est vrai. Il avait son billet. Oui, il avait son billet. Il était supposé revenir à Los Angeles sur le vol AA11, AA Flight 11, de Boston. Il souffrait de... En fait, il était un petit peu, comment dire, sur un lendemain de veille à cause des célébrations du soir d'avant. Et avec une heure qui a été donnée incorrectement par son agent de voyage, il est arrivé à l'aéroport vers les 7h30 et n'a pas été capable d'embarquer dans le vol parce que les portes étaient déjà fermées. T'es-tu béni des dieux? Tu dis. Tu dis pas, parce que je crois pas ça, mais quand même. 15 minutes après le départ de l'avion, l'avion a été évidemment hijacké par les terroristes et à 8h46, l'avion est tombé. Dans c'est le... là, je suis sûr là, que lui, en fait, il pourrait vendre son billet sur eBay, mettons, puis il aurait sapré montant. Ah, intéressant. Fort intéressant. Ça doit changer un peu la vision de la vie. J'imagine. Tu remercies pas mal ton agent, hein, quand il te donne la mauvaise heure, qui fait que t'arrives en retard. Hein. Ouais. Merci, ouais. Cher agent. Tu sais, t'es fâché, tu sais. T'es fâché parce qu'il était pas embarqué. T'sais. Mon espèce de. Ben, tu sais. Ouais. Puis tu te rends compte que, Grim. T'es sauvé la vie. Ouais, oui. Ah, intéressant ce fait-là, Mathieu. Ah, oui. Ben, le reste des faits, en fait, ben, tous les faits le que reste que je mentionne. Non, c'est vrai. Les faits sont sur assemblagerequis.com, évidemment, si vous voulez les retrouver. Voilà. Non, et puis la maladie, c'était quoi le build? C'était le. Attends, est-ce que je l'ai encore? Pour les membres, là. Pour les membres, Body Identity Disorder, je me rappelle pas. Le BIID, j'ai plus mon lien ici. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Le Body Integrity Identity Disorder, voilà. C'était fort intéressant, celui-là aussi. À Marseille. Ben, ça fait plaisir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir fait plaisir. Ben, okay. Ça ben, sert à ça? Hein? Ben, là, cette émission-là, ça servirait à quoi sinon? Hein? Ça sert pas. Bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On vous envoie en partant, avant de débuter, rendez-vous sur la page Facebook du dîner de cons. Il y a un petit lien, ça s'appelle les lieux de baignade les plus dangereux du monde. Ou bien, tapez même ça dans Google. Et puis, vous allez pouvoir partager les images avec nous. On débute dans le Queensland, en Australie. Et dans ce coin de territoire australien, environ 100 à 200 personnes sont tuées par des animaux dangereux chaque année. Entre la pieuvre à anneaux bleus, le cône qui est un genre de coquillage empoisonné, qui est très dangereux. Puis ça pique, ça? Exactement. Okay. Le poisson scorpion ou la méduse Irukandji. Les occasions de mourir sont nombreuses pour le nageur. Et si la variété et la dangerosité des animaux sont au rendez-vous, elle ne surpasse pas, la méduse box. Presque invisible, elle est l'une des plus venimeuses au monde. Aïe, aïe, aïe. Une méduse, ça, c'est comme un gros jellyfish, c'est ça? Ouais, c'est ça, une grosse affaire gluante. Ah, j'ai ça en horreur. Il ne faut pas que tu touches. Sinon, on va aller partir de l'Australie pour se rendre en Californie à Bolinas. Une belle plage. La photo est très belle aussi, un surfer. Oui. Et puis on a Groin, on a une pancarte, on va aller voir. Donc, un spot de surfer, repère d'intello californien. L'endroit est réputé pour être très difficile d'accès. Les gens y habitent et veulent se sentir hors du monde. En ce qui concerne la plage, elle est aussi très prisée par le grand requin blanc. Les attaques de l'animal concernent les baigneurs. Le surfer sur sa planche est beaucoup moins exposé, nous dit-on. Bah oui, mais... C'est normal, il est moins dans l'eau, mais c'est rare que tu tombes pas à l'eau quand t'es surfeur. Ouais, à moins d'être excellent. à moins d'être vraiment fort. On va se transporter maintenant vers l'Amazone, donc bassin de l'Amazone en Amérique du Sud. Et puis, bien sûr, piranha, caïman et anguille électrique sont autant de motifs pour ne pas piquer une tête dans ces eaux. En voulez-vous une autre? Les poissons cure-dents, également appelés candiroux. L'animal est connu pour avoir la mauvaise habitude de se loger dans l'urètre. Oh, ben, il y a même des photos de quelqu'un qui s'en fait enlever une, là, en bas à droite, je sais pas si tu vois. Puis on voit la radiographie aussi dans le bassin, finalement. Oui. Mais on voit que c'est dans l'organe masculin. Puis c'est assez gros comme animal, donc... C'est hallucinant, donc... De quoi faire des films d'horreur assez épouvantables. Aïe, aïe, hein? On nous dit que la chose avait d'ailleurs fait état dans le fil rouge d'un épisode de Grey's Anatomy. Ah, ben oui. On va se transporter maintenant de l'Amazone dans le golfe des États-Unis. Golfe des États-Unis situé non loin du golfe du Mexique où s'est passé l'accident pétrolier il n'y a pas longtemps. Regorge de dangereux animaux dont le mocassin d'eau. Il s'agit de l'un des serpents les plus meurtriers du continent américain. Une morsure entraîne la mort en 2 heures. Aïe, aïe, aïe. Je me demande s'il existe un antidote ou un antipoison ou quoi que ce soit. Sûrement, mais bon, c'est faut le trouver. Souvent, c'est ça, c'est que des fois, la clinique l'aura pas où on va se rendre. C'est sûr que dans ces coins-là... D'après moi, ils l'ont, ça existe. Oui, exactement. On va aller maintenant au Zimbabwe, le Devil's Pool, donc... la piscine du diable. Ça le dit. Dans un film d'aventure, il n'est pas rare que les héros qui nagent dans une rivière pour échapper à ses poursuivants ne soient subitement entraînés par le courant d'une énorme cascade. Pour ceux qui voudraient s'adonner à une vie d'activité quasi similaire, la Devil's Pool des chutes Victoria, située à la frontière du Zambie et du Zimbabwe, comblera vos attentes. Située au bord du vide, une piscine naturelle prévient le nageur d'une chute mortelle de 108 mètres. Oui, puis on voit qu'il y a des gens qui sont assez, qui sont proches du bord de la chute, puis ils sont pas entraînés là par le courant. Non. En fait, ça a l'air quand même dangereux. Quand même dangereux. Mais juste ici, le Trou du Diable à Shawinigan, comme la brasserie finalement, oui. C'est en bas des chutes de Shawinigan. C'est un autre endroit assez dangereux où... Il y a des tas de gens qui se sont noyés. Oui, hein? Exactement. Je vous conseille pas d'aller vous baigner là. Maintenant, on va se transporter de l'Afrique à Hawaï. Donc, Anakapia. Donc, les apparences peuvent être trompeuses. La plage d'Hawaï, malgré sa beauté, est un piège mortel à cause des courants maritimes réputés être imprévisibles. La plage, n'est pas protégé par le récif corallien et les courants de l'océan y pénètrent sans problème. Depuis le mois de décembre 2008, environ 82 personnes se sont noyées à cet endroit. Les vagues sont tellement puissantes qu'elles peuvent emporter une personne qui patauge à hauteur de genoux dans les eaux. Donc, si t'es juste avec un petit peu d'eau, la vague, elle t'arrive puis elle t'accroche. Il n'y a aucun récif donc pour te retenir ou pour ralentir les vagues. Donc, c'est un endroit assez dangereux. On parle de 82 personnes depuis deux ans. En 2008. Là. Ça fait comme 40 personnes par année qui meurent noyées là. Puis j'imagine qu'ils sont en plus avertis du danger. Donc, c'est très dangereux. Donc, quittons Hawaï pour s'en aller vers le Nil en Égypte. Caché par l'eau boueuse du fleuve juste en dessous de la surface, le crocodile du Nil, peut atteindre sa proie durant... Attendre sa proie durant des heures. Des centaines de victimes se sont déplorées à tous les ans à cause d'attaques de l'animal. Ils ont été dénombrés à environ 500 000 spécimens qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans, le crocodile du Nil. Ben oui, mais je pensais qu'il était comme en voie d'extinction ou quoi que ce soit. Là. Donc, malgré le danger, bon, il faut toujours préserver ces espèces-là, malgré le danger qu'elles peuvent représenter pour nous, là, les êtres humains. Oui, mais c'est pour on aime bien se croire, hein, au sommet de la chaîne alimentaire, mais on peut constituer un excellent repas plein de protéines. Oui, tout à fait. Donc, et de viande très tendre. On va quitter le Nil pour se retourner donc en Floride à Shired, dans le comté de Dixie, en Floride. Nager dans les eaux qui jouxent l'île Shired, donc, comporte certains risques, à savoir développer une éruption cutanée ou une conjonctivite. Moins sympathique, il est aussi possible d'attraper une hépatite ou une infection respiratoire. L'endroit s'est d'ailleurs vu décerner en 2009 le prix de la plage américaine la plus polluée. Ben oui, mais c'est dommage, hein, parce que l'endroit semble merveilleux. Oui, sauf que, bon, les conséquences de la fréquentation de cet endroit-là sont manifestement peu agréables. Tout à fait. Donc, quittons la Floride, on s'en va pas loin, on s'en va au Mexique, à Zipolite, cette petite plage de sable blanc, vraiment, vraiment jolie. Donc, à l'eau cristalline, est située à Oaxaca, dans le sud du Mexique, et l'appelée Zipolite, elle a pris de nombreuses vies. Dans la langue des Zapotèques, l'endroit est appelé aussi la plage de la mort, à cause d'un fort sac. Les courants changent beaucoup et les locaux eux-mêmes préfèrent ne pas fréquenter ce lieu. La mer y est particulièrement déchaînée d'avril à juin. Ça doit être un peu le principe d'Hawaï, là, ou des courants qui t'emportent. Oui, exactement. Même principe, mais l'endroit est quand même magnifique. Oui, et puis c'est le fun parce que la plage est comme retirée, tout petite, et puis des belles constructions sur le dessus des collines. Ça me semble merveilleux à aller fréquenter quand même. Peut-être pas la plage, mais l'endroit. Oui, mais j'imagine que les locaux, ils ont tellement entendu d'histoires de gens qui sont morts là, qui ont presque peur d'y aller, ouais, là, je présume. Ils n'ont aucun goût d'y aller. Sinon, on retourne, on quitte le Mexique et on s'en va au Brésil, un peu plus bas. Le récif, donc, à Praia de Boa Vigem, récif d'une ville côtière surnommée la Venise brésilienne. Elle abrite sur son territoire une magnifique plage appelée Boa Vigem, Viagem. Si l'endroit était très apprécié par les touristes, il ne faut pas oublier que le requin Bulldog l'affectionne aussi. Entre 1992 et 2007, 50 attaques ont été signalées, dont 19 qui ont été mortelles. Aïe, aïe, aïe. Il donne pas sa place, le requin bulldog. Non, donc c'est des endroits à ne pas fréquenter si vous voulez faire de la baignade. Allez simplement à la piscine municipale, ça va être beaucoup moins dangereux. Oui, ou même le lac Saint-Pierre, là, pas de rentrée dangereux. L'été. Exactement, exactement. Tant qu'il y a de l'eau, parce que sinon ça sent pas bien bon. Oui, non. Cette année, là, le lac Saint-Pierre était pas très, très bon. Mais l'été passé, le niveau de l'eau était très bas en général. On est allé faire, j'ai un ami qui a un petit bateau, là, puis on est allé faire une couple de tours là, ensemble. Puis vraiment, il fallait des fois être très prudent lors de la navigation à cause que le fond était trop proche de la coque du bateau. Trop haut. Ben, le fond était trop haut. Ben, d'un certain point de vue, quand l'eau est trop basse, le fond devient trop haut. Exactement, c'est pour ça que je le disais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bonjour. Okay. Bonjour, Maxime Lemieux-Ramé. C'est ta chronique télécharge quoi? Oh, c'est bien. Version live. Version live, c'était ouais. Super. Très pas fidèle à la chanson. Je me rappelais pas de la mélodie. Non, c'était bon. C'était très bon. Ben, c'était pas pire. C'est ça, mais pas trop de bons qualificatifs là-dessus. Ce qui est pas pire, c'est ton bronzage. Ouais, ben c'est oui. Ça. T'es beau, séduisant, un vrai homme viril, là, un pan ouais. Mur, là. Bon, ben, je pense que vous exagérez un peu. Ça fait quand même 2 semaines que je suis revenu de voyage. Mm. Ça paraît. Plus belle, mais ça paraît encore, en fait. Oui. Avec ton ta passage blanche, dans ben, le sud. C'est ça, c'est peut-être le. Et puis, l'année prochaine, tu nous invites. Ouais, l'année prochaine, on y va juste les 3 ensemble. Ouh! Soudainement, ouh! Ouais. Ouais. Alors, commençons, hein. Il est déjà rendu 8h et quelques minutes. Oui, 8h et quelques minutes, et oui. Alors, justement, tu m'as fait une version live de mon... Alors, j'ai voulu rester dans le même dans le même registre. Et puis, récemment... Tu vas interpréter. Ouais, non, ça va être mauvais. Non, mais en fait, la pièce que je veux vous présenter là, pour entamer la chronique et entamer 2011, c'est une pièce de Yes Ayer qui ont sorti un album live récemment. Puis, tu sais, c'est rare, je trouve que... Ouais, c'est ça, des albums live... d'artistes comme ça. Qu'on aime. Ouais, ben qu'on aime, c'est ça. Tu sais, c'est souvent Céline Dion, live, from Las Vegas. Mais là, c'est ça, c'est un spectacle en Belgique. Puis c'est une pièce qui est sur l'album Dark Was the Night, qui est un peu une compilation d'artistes indie rock. Donc, on va aller écouter Tightrope, de Yes Ayer, version live. Assemblage requis. Ouais. Cool. Maintenant. Ouais. We'll be right back. Ah, c'est ça. Bravo, Max. Bravo. Ça, bravo. Bravo. Yay. Très beau travail. Alors, c'était Tightrope, version live du groupe Yes Ayer. Excellent. Puis, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en fait, Yes Ayer offre aux fans de choisir le prix qu'ils désirent payer pour cet album-là sur leur site web. Donc, ben, en fait, il laisse des choix. C'est ça qui est drôle. Là. Il laisse des choix. C'est soit gratuit, 99 sous, 2,99, 4,99. Ah, ben c'est bizarre. 7,99 ou 9,99. Ouais. Il y en tout cas, comment t'as donné? Moi, comment j'ai donné? j'ai rien donné. Mais ton choix n'était pas dans la liste. C'est pour ça que tu non, mais en fait, j'ai téléchargé ça rapidement ce matin. Puis je me suis dit, là, je commencerai pas à donner mon numéro de carte de crédit, patati patata, mais je vais peut-être te redonner. Si j'y repense, j'aime bien ça. Yes Ayer, moi, je suis allé voir en spectacle. Fait que c'est comme si j'avais donné, tu sais. Ben oui. Mais c'est là que je les ai découverts plus en profondeur là, quand je les ai vus en spectacle à Montréal cet été, au mois de mai. C'était vraiment cool. Cool. Fait que c'est ça, c'était une version live d'un spectacle à Bruxelles, Belgique. Mm. Ça sonnait bien. Ouais, c'était cool. Maxime, ouais. Je t'interromps avant le deuxième album. Ouais. Parce que. Ah, tu l'as trouvé. Tu l'avais bien tantôt, hein? Ben oui. Mais c'est encore moi, là. Je parle en même temps que je la chante. Donc, on est toujours avec Maxime Lemularamé, l'artiste, l'homme, le symbole. Qui inspire le Sud, ce matin. Oui. Mm. Tu sens le Sud, ouais. Tu sens le sable. Tu sais, tac, crac, sans ça. Donc, deuxième album de ta chronique, télécharge quoi, Maxime? Oui, en fait, je voulais parler de James Blake. C'est un musicien. James Blunt? Blake. Ah. Blake, un musicien d'Angleterre, un Anglais. Non, je l'ai pas dire, tu sais, un Anglais, c'est bizarre, hein, quand on dit ça. Ben, c'est parce qu'on a tellement fini par tout le temps dire des Français de France, des Anglais d'Angleterre, comme tu sais. Fait comme... que, en tout cas, peu importe. Il vient de Londres. Je pensais qu'il venait de New York, mais c'est cool qu'il vienne d'Angleterre. Ben oui. Fait changement un peu. Et puis, c'est ça, je te dirais qu'il donne dans l'électro un peu lounge ambiant. Quand même cool, là. Moi, j'ai... En fait, justement, parlant de voyage et de sud, j'ai découvert ça. J'ai écouté ça pas mal en Jamaïque. Puis c'est cool parce que... Ils se vantent, hein? La vie est belle. Ben là, c'est du passé, là, la Jamaïque. Ils ne me vendent plus, là. Les choses sont tellement meilleures en Jamaïque. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, moi, je conseille ça aux étudiants qui veulent étudier. Aller en Jamaïque? Non. Ah. J'ai envie d'éternuer. Mais je pense pas que je vais le faire. Ben, on peut bourrer du temps, si tu veux. Non, je pense pas que je vais le faire. Non? Mais là, vous me déconcentrez avec vos niaiseries. Ben, les non, étudiants là, qui cherchent une petite musique là, de fond, pas trop de paroles pour étudier ou pour faire leurs travaux. James Blake. Alors, il a sorti quelques maxi, 4 en tout, en fait, depuis 2009. Mais au mois de février, il y a son premier album long qui sort. Qu'est-ce qu'on va aller écouter? C'est une pièce de son dernier maxi, Clavier Work. Clavier Work, c'est K-L-A-V-I-E-R. Clavier Work. W-E-R-K-E. C'est ça. Et la pièce, rappelle-moi Mathieu, c'est compliqué je pense. C'est I Only Know What I Know Now. I Only Know What I Know Now de James Blake. Dans le bug télécharge quoi d'assemblage requis? Ah, c'est faux, c'est faux. Ouais, c'est ça, Mathieu. Je voulais te réveiller avec ma pièce. Ça t'a-tu réveillé? J'ai déjà réveillé. Qui a dit que je dormais? Personne, personne. Moi, je dors pas. Après 5h et quoi qu'on se réveille? 5h et quart. Colin, il faut bien se préparer le matin. Voyons, non. C'est, on n'a pas une chronique à 8h, nous autres. C'est ça, ouais, c'est on n'est pas tous pouilleux comme toi non plus. Pouilleux. OK. Non, je m'en souviens. T'es très chic. En fait, t'as une belle chemise. Ouais. Un beau, très propre. Il y a un beau temps. Très... Ouais. Alors, c'était James Blake. Désolé, c'était ambiant, hein? c'était relax. Excuse-toi pas pour ton choix musical. Ben non, ben, j'aurais dû penser que... L'avais-tu écouté avant? Ouais, ben c'est ça, j'écoute l'album en boucle, fait que il y a des moments que c'est un peu plus intense, puis d'autres que c'est un peu plus relax. Là. Mais James Blake, je le conseille en tout cas, du moins pour l'étude, puis le travail. Mais, ça doit très bien marcher. Moi, en tout cas, je trouve ça très bien pour ça, pour se mettre dans... C'est très bien. Dans l'ambiance, oui. Bon, passons à un autre artiste. Un autre appel. Qui est notre dernier appel pour ce matin? Ben, en fait, je voulais parler de Ariel Pink's Haunted Graffiti. C'est un groupe que j'ai pas pris le temps de découvrir en 2010, mais que je me promets d'écouter en 2011. En fait, vous vous rappelez, je vous ai peut-être parlé de mon voyage en Jamaïque. Peut-être, j'ai fait. Ça me dit quelque chose. Ben, en tout cas, ouais. En Jamaïque, je m'étais... disons que j'avais rempli mon MP3 de nouvelles musiques. Mm-hmm. Ça, c'est un des groupes que j'apprécie le plus dans les artistes. Ça avait reçu une belle critique, là, surtout de Pitchfork. Là. Pitchfork, ta référence. Ouais, ma référence. C'est la Bible. Ouais. Puis, c'est ça, en fait, la pièce que j'avais choisie, c'était... Si je peux me permettre Light Blue Skies. Non, c'était quoi ça? Li. Bright Light Blue Skies. C'est pour ça que tu me le demandes d'habitude. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus rapide. J'ai des problèmes avec mon anglais. Ouais. Je me rappelle jamais. Blâme ton anglais. Ouais. Donc, on peut aller écouter ça. Mm-hmm. Si ça te dérange pas, Mathieu. Mais non, ça me ferait plaisir. Même. Puis après ça, je vais m'en aller. Bon, mais ça me fera aussi plaisir. Voici donc Bright Lit Blue Skies. C'était pas tellement mieux prononcé que toi. Mais... Non. Bright Lit Blue Skies. Light. Bright Light. Lit. C'est lit. C'est pas grave. My voice is quiet, but my thoughts are loud. Pink, Haunted Graffiti. Bright, lit, blue skies. Est-ce qu'il prononçait comme faux dans la chanson? Je sais pas. Est-ce qu'il prononce? Ouais, il prononce dans la chanson? Bon. Je sais pas, j'écoutais pas ta musique. Moi. Mais c'est ça, c'est issu de l'album Before Today, Avant Demain. Qui est sorti quoi? L'année passée? Non, ouais, l'année passée, en 2010, mais au mois de juin. T'es tellement 2010. Ouais, c'est pas assez. Bon, OK. Je vais aller travailler. Pour de vrai. Bon. Pour de vrai. C'est non, pas mais du travail ici, tu botches, c'est ça que tu veux dire? Tu botches? Ouais, ouais. Pardon? Non. Tu tournes les coins? Ouais. J'étais prêt. Non. C'est toi avec ton ordi là, qui est pas prêt. C'est pas mon ordi, c'est l'ordi de ses fous. Un. Et deuxièmement, c'est pas l'utilisateur, c'est la machine. Ah, je pensais que t'étais une machine. Ouais, ben bon. Je m'utilise. OK. À la semaine prochaine. Hey, merci, Max. Ouais. Merci. Et ça va être tous les mercredis à 8h dorénavant. Oui. Toi, tu veux essayer chaque jour de la semaine jusqu'à temps que tu vois lequel qui est le meilleur pour toi. Lequel qui n'a pas de chroniqueur. Ouais. C'est ça. C'est pour me rappeler tous les jours de la semaine. C'est ça. C'est pour ne pas créer d'habitude chez l'auditeur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, salut. Mercredi. À la semaine prochaine. Salut. Bye, Maxime le Mularamé. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Charles-André, maintenant, toi, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, je ne vous parle pas de dessins animés, ça c'est certain, puisque c'est fini. C'est mort. Alors, comme c'est mardi, je vous parle de films qui traitent de la culture rock'n'roll. Yes. Alors, c'est pas nécessairement des films qui mettent en scène des groupes de musique en tant que tels. Là, je parle de tous les films qui se rapprochent de la culture rock'n'roll. C'est bien? Pas nécessairement un documentaire, ça non, peut être un film. Il va parfois en avoir, mais ça peut être une fiction où est-ce que les jeunes écoutent du rock ou... Rock est au centre de l'histoire, mettons. Exactement, ou plutôt même la culture rock, je dirais, parce que c'est pas nécessairement toujours la musique en tant que telle que toute la culture, le merveilleux monde qui vient avec. Et justement, j'ai un excellent exemple aujourd'hui de cela, en ce que j'ai amené le film Dazed and Confused. Est-ce que tu connais? Oui. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui, ça fait à l'époque, là. Oui, parce que c'est sorti, on sait que c'est sorti en 1993, peut-être. En fait. Et puis, Dazed and Confused, on sait que c'est à la base une chanson de Led Zeppelin. Et puis, les producteurs du film ont essayé d'avoir cette chanson-là pour le film. Jimmy Page a accepté, mais malheureusement, Robert Plant a refusé et ils n'ont pas pu avoir la chanson. Néanmoins, le titre est bien choisi étant donné que c'était Led Zeppelin était un des groupes forts de l'époque où le film se passe. Parce qu'en fait, le film se passe en 1976. C'est la dernière journée d'école et un groupe d'adolescents décide de fêter ça. Mais là, malheureusement, le livreur de bière vient porter la bière un peu trop tôt à la résidence où est-ce que... Ben, en fait, il vit chez ses parents. Et donc, les parents commencent à se douter qu'il y a peut-être un petit party qui s'organise pour la soirée, alors qu'eux autres étaient censés partir en camping, décident de rester à la maison pour éviter qu'il y ait une fête illicite qui se déroule chez eux. Et donc, là, le party est annulé, tout le monde est un peu confus, et ils finissent par se réorganiser, s'improviser une soirée qui finit par être tout à fait agréable et mémorable. Et puis, c'est vraiment, je veux dire, un très joli film d'adolescent. Les films d'ado, d'habitude, ça vient jamais me chercher. C'est un peu cucu, des fois. Habituellement, c'est très cucu, même. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est un véritable chef-d'œuvre. Et même si ça a seulement enregistré 8 millions de dollars, c'est... Mais c'est devenu quand même un succès. Un film culte, même que... Quentin Tarantino, il prétend que c'est un de ses films favoris de tous les films américains. Et donc, moi, je dirais que c'est presque mon film favori, toutes catégories confondues, dans la mesure où l'atmosphère du film, la présence de la culture rock est tellement vive, omniprésente, et tellement colorée, et tellement savoureuse qu'on ne peut pas ne pas s'attacher au personnage et à l'histoire du film, Danny. Et donc... Aussi, je dois mentionner que j'ai d'abord découvert le film dans sa traduction française. Et j'étais beaucoup attaché à cette traduction-là. Et quand je l'ai cherché après, je l'ai seulement trouvé en anglais. Ce qui m'a fait totalement redécouvrir le film finalement. Alors moi, j'ai eu le privilège de comme découvrir ce film-là deux fois. Et puis t'as aimé? Ben oui. En anglais aussi. Oui, naturellement. Je veux dire, l'original est bien meilleur. Mais pourquoi je m'étais attaché à la traduction, c'est qu'en fait, j'ai constaté qu'ils disent pas nécessairement les mêmes choses dans les deux versions là. Comme par exemple, dans la version en français de France, ils parlent un peu de la culture de la marijuana aux États-Unis. Ils prétendent que bon, George Washington faisait pousser de la marijuana puis tout. Puis en anglais et en français, les deux discours se ressemblent. Mais j'ai trouvé que en anglais, c'était légèrement plus intellectuel, tandis qu'en français, c'est un peu plus zinzin, là, okay. C'est bon. Puis il y en a un dans le film qui est particulièrement zinzin, qui parle justement de la culture de la marijuana aux États-Unis. Puis il dit, puis il parle d'une chanson aussi qui parle un peu de ça. Puis il dit, cette chanson, tu sais de quoi elle parle? Ce pays, tu sais comment il a été fondé? Il a été fondé par le peuple des exclus. Prends George Washington, mon gars, c'est un rastaquaire. Et les extraterrestres sont des rastaquaires. Tu saisis? Puis l'autre fait comme, bah, pas vraiment. Fait que j'étais attaché à ces genres de propos-là. Puis j'étais un peu déçu, finalement, en voyant pour la première fois la version originale en anglais, parce qu'il n'y avait pas ce genre de conneries-là. Mais finalement, à vraiment m'attarder au texte original du film, j'ai été reconquis et je suis redevenu totalement fan, peu importe la version. Et donc... Pour poursuivre sur le synopsis du film sortir de cet aparté, j'aimerais se mentionner qu'il a été réalisé par Richard Linklater, qui a fait un travail admirable au niveau de la réalisation, étant donné qu'il y a énormément de personnages qui évoluent en même temps. Et là, au début, la première fois que tu l'écoutes, tu vois juste comme l'espèce de paysage, le tableau de tout ça que tu apprécies. Et finalement, tu peux le réécouter des tonnes de fois, étant donné qu'à chaque écoute, tu vas suivre un personnage différent dans l'histoire, pour finalement réaliser que chacune des histoires qui est mise en scène parallèlement dans le film est extrêmement cohérente et très intéressante. Donc, ce que j'ai adoré de ce film-là, c'est par-dessus tout de voir les mœurs des Américains au cours des années 70. Personnellement, moi, la culture rock des années 70, c'est quelque chose qui me charme de façon épouvantable. Et donc, comme c'est omniprésent dans ce film-là, je n'ai pas le choix d'être conquis. Et puis il y avait une excellente trame sonore aussi. Oui, une excellente trame sonore. On parle de Aerosmith, il y a aussi Kiss, Black Sabbath, Deep Purple, tous des grands classiques du rock. Donc, puis ils ont bien choisi les pièces aussi. Et aussi, j'aimerais ça mentionner que dans ce film-là, il y a plein de comédiens qui, à l'époque, ont joué là-dedans, qui sont finalement devenus des grandes vedettes. On parle de Ben Affleck, Matthew McConaughey, j'ai Jason London, Mila Jovovich. Kovic, connais pas lui. Bon, non, mais finalement devenu une grande actrice, ouais. Semblerait-il. Mais sinon, on peut parler de Parker Posey, une très jolie comédienne d'Hollywood. Et donc, c'était une véritable, comment je pourrais dire ça, ruche. Une manne. Exactement, ouais. Ce film-là. Et par-dessus tout, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est sublime. Donc, dans la version originale, ça s'intitule « Dazed and Confused ». Dans la version québécoise, on parle de « La tête dans les nuages ». Et la version française de France s'intitulait « Génération rebelle ». Ah. Donc, j'aime mieux « La tête dans les nuages » que « Génération rebelle ». Moi aussi, puis je trouve que c'est plus approprié pour le film en tant que tel. Ben, puis même avec le titre américain, il y a un meilleur lien, je trouve. Oui, parce qu'en fait, tout le long, bon, on sait que c'est un film qui traite un peu de l'expérimentation de la villégiature. Donc, il y a un des plus jeunes dans le groupe que lui, bon, cette soirée-là, c'est sa première bière. Ben, en fait, c'est 6 premières bières. Son premier joint, son premier French. Première fille. 8 saisons de Ouattatatao. Exact. Dans une soirée. Exactement. Et puis, c'est intéressant aussi parce qu'il faut mentionner qu'on suit quand même deux groupes assez distincts qui interagissent entre eux, c'est-à-dire les plus vieux qui s'apprêtent, pas à graduer, mais à passer à leur dernière année du secondaire. Et, bon, les plus jeunes qui passent de secondaire 2-3, c'est-à-dire de junior high... Jusqu'au high school. Jusqu'au high school. Alors, c'est deux groupes distincts qui vivent en même temps une transition et qui s'interagissent. Il doit y avoir une histoire, justement, des frères, des sœurs là-dedans. Là. Ben oui. Les plus vieux, c'est les frères des autres ou quelque chose. Exactement. Et puis là, justement, ça donne lieu à des situations tout à fait cocasses et intéressantes. Je veux pas trop vous en dire parce que je veux que vous l'écoutiez surtout. Il est indispensable de voir ce film-là si vous vous intéressez à la culture rock. Mais parfait, tu me donnes le goût de le revoir parce que je me rappelle à peu près de rien de ce film. Moi, j'ai adoré. Je peux l'écouter deux fois par semaine. Et je sais que même ici, le Rockmaster Alain Lefebvre va bien apprécier. Puis il est quand même un critique assez difficile en frais de cinéma, en frais de ce qu'il y a, oui, ce qui passe au petit écran. Et puis, il avait bien aimé, je me rappelle. Il en a parlé souvent de ce film. Ben, je suis heureux de l'entendre. Yes. Et puis là, j'ai un super lien avec ma pièce musicale d'aujourd'hui. Wow. On sait qu'on est encore dans la chronique du rock alphabétique. On est toujours dans la lettre A. Hier, on a écouté du AC/DC. Bon, c'est sûr que c'est du AC/DC qui date des années 90. C'est peut-être pas le AC/DC que tout le monde préfère, mais je tenais à faire passer au moins une fois la pièce Thunderstruck c'est assez correct, fou, juste correct. Pour le plaisir de la chose. Mais aujourd'hui, on poursuit avec la lettre A pour faire un lien avec le film, le groupe Aerosmith. Et j'ai choisi une de leurs pièces, une pièce qui était une de leurs pièces phares au début de leur carrière. Il s'agit d'une pièce paru en 1975, c'est Sweet Emotion. Yeah. Sweet Emotion, la chanson qui ouvre le célèbre film Dazed and Confused, mais aussi une chanson du hard rock américain, du folklore hard rock américain. Bon, je ne sais pas si on pourrait utiliser le terme folklore, ça fait peut-être pas assez longtemps que cette culture-là se développe. À mon avis, oui. Le fait est que le groupe Aerosmith est un des groupes forts du mouvement rock américain. Aerosmith, en fait, a été créé à Boston à la fin des années 1960, mais a connu un regain de popularité à la fin des années 80 et au début des années 90. Leur musique est un hard rock typique des années 1970, pardon, mais qui reste tout de même proche de ses racines blues. Aerosmith est l'un des groupes de rock américains le plus vendeur, avec plus de 170 millions d'albums vendus dans le monde, dont 67 millions d'albums rien qu'aux États-Unis. Ils détiennent également le record du plus grand nombre de disques d'or et multiplatines pour un groupe américain. Le groupe a marqué 21 hits au top 40 dans le Billboard Hot 100, 9 hits au numéro 1 au mainstream rock, remporté 4 Grammy Awards, et 10 MTV Video Music Awards. Ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2001 et en 2005, ils furent rangés 57e dans le classement des 100 plus grands artistes de tous les temps du magazine Rolling Stone. Ah. Donc, c'est un groupe phare de la musique rock américaine. Et la pièce qu'on a entendue, Sweet Emotion, est en fait une pièce tirée de l'album Toys in the Attic. Et c'est le troisième album d'Aerosmith. Il est paru en 1975 chez, sous étiquette Columbia. Merci. Oh. Donc, on pouvait se le procurer à une scène chez Columbia. Oui. À l'époque, là. Ah, je savais pas qu'il y avait cette politique-là, Danny. Non, mais tu connaissais pas le club Columbia, la maison Columbia? Ah oui, la maison Columbia. Mais qui, oui, la crosse des crosses. Oui, tu t'abonnes, tu l'achètes, t'en achètes 8 à une scène, puis t'en achètes 40 à 40 piastres. Exactement, puis il y avait pas beaucoup de choix non plus. Ah oui? Ben, il y avait les bases, là. Moi, j'ai acheté quand même certains trucs de base, là, certains albums. Je pense que c'est les Doors, j'avais été chercher un album. Pink Floyd n'était pas là-dessus, mais il y avait eu Live at Berlin, genre Roger Waters. Une couple de trucs comme ça. Je pense qu'il y avait un Greatest Hits de Pink Floyd, qui était quand même correct, là, mais... Mais tu veux pas un Greatest Hits de Pink Floyd. Non, si tu non. Veux un album. Pink Floyd, l'intérêt, c'est écouter les albums. De toute façon, peu importe les groupes, moi, je suis rendu... Moi, je suis un gars d'album, oui. Exact. Je ne jure que par l'album. La seule fois où je vais me procurer une compilation, de toute façon, je n'achète pas vraiment de compilation. J'ai pas acheté de best-of depuis 12 ans déjà. Là. Ouais, ouais. Mais les rares fois où je vais le faire, ça va être vraiment pour découvrir un groupe. Et puis, si j'aime le groupe, ensuite, je vais acheter des albums. Donc. Ah, tout à fait. Mais c'est une bonne façon de faire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Oui, c'est toujours votre émission qui est le matin diffusée là, aux petites heures là, du matin. Aux petites heures du matin. Ben, ils ne sont pas si petites que ça, sont assez moyennes. Les heures, mettons, c'est comme 7h à 9h, c'est moyen. La journée est débutée depuis longtemps, là. C'est ça, non, c'est oui. Plus les petites heures du matin, Mathieu. Non, c'est les petites heures du matin quand on se lève pour l'animer, par exemple. Ah ouais, toi, je sais, il faut que tu partes aussi ton char au moins 2 heures avance pour qu'il soit chaud. Fait que tu te lèves Mathieu, à 2 heures. Dans le fond, tu te couches pas, tu vas veiller, tu vas brosser en ville. Tu te couches pas, tu arrives en studio le lendemain matin, tu dors en ondes. C'est François-Olivier qui fait chaud, c'est ça? Tu me connais. Je te connais. Tu révèles tous mes secrets en nom. L'émission finie, il va se faire bronzer. Ah, c'est ça. Mathieu, son char, il y a des lacets, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, c'est... Ouais, il est pas polluant beaucoup. Puis il est pas de l'année non plus. Ça commence à dater. Ah, puis il réussit pas à trouver même à sa taille. Là, ça a plus vraiment de sens avec les autos, par exemple. C'est vraiment des souliers dans ce cas-là. François, tes souliers, ils vont bien? Ils vont très bien, oui. Ta podiatrie, est-ce que tu fréquentes, non? Non, moi, l'UQTH, je ne vais pas dans les instances de science et tout ça. Là. Non, moi, je vais plutôt chez Yellow. Ouais. OK. Tu préfères les instances politiques? Ouais. J'essaie de ramener ça. C'est plus toi qui es bon pour faire des liens. Puis là, non, pas cette première émission. Là. Donne-moi le temps de me restarter. Restartons-nous, levons-nous tous ensemble, levons le petit banc avec la population de petite bib dans le... Quand tu te relèves debout, faut que s'il tu relèves le petit... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Collègue. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Conjoint. Royal. Gangster. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jean-Saul André qui est avec nous pour sa chronique politique Logocratie 101. Bienvenue. Merci beaucoup. Dans nos studios. Studio de Sifu. Le studio B de Sifu, mais il n'y a pas de A. Donc, on l'appelle B parce que B fart. Tête d'abeille. Tête d'abeille ou cœur de bœuf. C'est, okay. C'est référence à la chronique qui était juste avant toi. Okay. C'était pas là. Désolé, Simon. C'est normal. Je vais l'écouter en rediffusion. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça sent les élections. J'ai entendu dire que l'odeur est parfaitement détectable. L'odeur plane sur nous comme un nuage empestant bientôt les foyers des Canadiens et Canadiennes. Parce que oui, on parle d'élections au fédéral. On se souvient qu'il y a un gouvernement minoritaire, malgré que Stephen Harper gouverne en majorité parce qu'il a toujours l'appui du Parti libéral, du Parti du NPD ou du Bloc québécois. Qui ont peur de se faire défaire. Parce que leurs finances ne sont pas à jour, les coffres d'État ne sont pas pleins pour ces partis-là. À peu près 4 piastres dans leur compte mis en scène. Ça, c'est le Parti vert, je pense. Puis là, si la caisse essaie de prendre son petit frais comme à chaque mois, là, à un moment donné, ça va descendre en bas de zéro. Exactement. Mmh. Donc, c'est pour ça que les partis d'opposition votaient toujours du côté du gouvernement. Ils trouvaient toujours une solution pour dire, finalement, l'alinéa B du point 32C nous plaît, fait qu'on va voter pour. Ils trouvaient toujours le petit point très imprécis que, dans le fond, qui vote pour ou contre ce point-là, on s'en fout. C'est, oh, ouais. C'est juste pour changer la police du texte, dans le fond, bien souvent. Donc, oui, là, c'est un gouvernement minoritaire, mais qui s'éprise. Parce que Harper veut avoir les mains libres pour faire ce qu'il veut en tant que gouvernement. C'est légitime. Un gouvernement veut gouverner librement. Donc là, ça fait bientôt plus de 2 ans qu'il est au pouvoir. On se souvient que c'était à l'automne 2008 que le gouvernement de Stephen Harper s'était fait élire. À l'époque, ils avaient 143 sièges. Donc, il détenait quand même une bonne avance sur ses adversaires. Mais le Parti libéral, 77, le NPD, 37, et le Bloc québécois, 49, et 2 indépendants. Donc, tout ça faisait en sorte que l'opposition était plus forte que le gouvernement. Il y aurait pu y avoir un renversement de pouvoir à tout moment. Mais ils ne l'ont pas fait parce que, justement, comme j'en parlais avec Simon, les finances des partis politiques, surtout avec la déconfiture du Parti libéral à la suite du congédiement très, très spectaculaire de Stéphane Dion, pas longtemps après les élections manquées. L'arrivée de Michael Ignatieff, qui était perçu comme étant le sauveur, et finalement... Il n'a pas livré le travail. Il livre toujours pas le travail, malgré qu'il ait fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher du peuple, de la plèbe, parce que c'est un aristocrate de sang. Oui, c'est un ancien prince de sa famille russe. Mais ça a l'air. Il a une prestance d'un aristocrate, et c'est surtout un intellectuel. Il a enseigné à Harvard, à Londres. Et quand il parle avec des mots que nous-mêmes, universitaires, comprenons parfois mal. Parce que on sait pas le fond de sa pensée. Il est trop. Il vit dans sa tour d'ivoire. Il faut faire attention aussi lorsqu'on critique Ignatieff devant un prof d'université. Parce que moi, j'ai déjà dit, Ignatieff, son problème, c'est qu'il passe sa vie à l'université. Il a passé sa vie à l'université. Ouais. Là, il y a un de mes profs qui m'a regardé avec des yeux ronds comme des boules de bière. Donc, et... Mais t'as pas tout à fait tort, Simon. Parce que. Quand on l'a vu cet été, il a fait une tournée à travers le Canada et surtout au Québec. Il a servi des hamburgers avec les barbecues. Tu voyais qu'il n'avait jamais manipulé des outils de barbecue de sa vie. Son tablier était impeccable, des souliers cirés bruns. Quand tu vas au Festival Western de Saint-Tite, là, mets pas des souliers, premièrement, c'est des bottes. Deuxièmement, attends-toi à avoir des la boîte. Hein? Restons polis, avoir la boîte de ses souliers. Mais non, lui, c'était shiny, là, c'était... Mais tant qu'à ça, moi, personnellement, vas-y pas. Non, t'sais, tu peux pas... Ben, tu peux pas, mais soit que, excuse-moi là, l'expression, mais soit tu joues la game à fond ou t'as joues pas. Parce que là, t'as de l'air, excuse-moi, mais il a vraiment de l'air idiot quand il fait ça. Peut-être, oui, sauf que combien de gens l'ont rencontré dans les rues puis ont dit « Hey, Michael Ignatieff est ici à Saint-Tite. » Puis il est donc bien beau. Il est donc bien beau, il est grand, t'sais, il est propre de sa personne, il s'exprime bien. Combien de personnes... Ah, peut-être, ouais. Peut-être pas toi puis moi, parce que Michael Ignatieff, il nous rejoint pas, ça nous intéresse pas. Mais si on avait Michael Ignatieff ici dans le studio un matin, je suis certain que dans ton fond intérieur, tu dirais « Hey, j'ai quand même côtoyé Michael Ignatieff, il est venu dans le studio de C'est fou. » Lui dirait « Le studio de C'est fou, il dormait pouilleux. » Il pourrait pas dire ça parce qu'il perdrait des votes. Non, non, c'est vrai. Ça. Il pourrait le penser, mais le dire. C'est ça, il a pas le droit. C'est... Tant son texte, son attaché de presse lui dit pas, il a pas le droit de le penser. Donc, on revient au sujet principal, les élections qui s'en viennent. Les travaux à la Chambre des communes recommencent le 31 janvier prochain. d'ici là. C'est de grosses vacances. C'est des grosses vacances, mais je suis pas sûr qu'ils vont être en vacances, les chefs, parce que avec l'horaire que j'ai ici, c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille pour dire qu'il y a des élections qui s'en viennent, et c'est indéniable, et je commence ma chronique aujourd'hui en disant ça pour que dans 3-4 mois, vous pouviez dire « Ah, François l'avait dit, dès le mois de janvier, il est fort, c'est un génie, ouais. C'est un génie. » Fait que je le dis tout de suite, puis si jamais ça arrive pas, ben, on va l'oublier, puis ça va faire trop longtemps. J'ai effacé les archives pour être sûr. Je ne diffuserai pas ça dans C'était fou. Jeudi 13h, mardi 9h. C'est très bon pour faire des liens, finalement. Merci. Donc, Michael Gnassef, oui, notre cher Michael, qui part en tournée avec une campagne qu'il a baptisée « La 2011 ». La 2011. La 2011, c'est pas les autoroutes qui se croisent, non. C'est, il va visiter 20 circonscriptions en 11 jours. Hey, c'est-tu catchy, cette affaire-là? Hein? C'est bien pensé. C'est beau. Il va sillonner seulement les comtés qui sont prenables. Non pas les comtés qu'il détient déjà. Les comtés prenables. Et tenez-vous bien, il sera en visite ici même, dans la région. Ben, il est déjà venu, mais ça fait pas tellement longtemps aussi. Mais là, dans cette tournée-là, dans les comtés prenables, si on comprend bien l'astuce, il y a un comté dans la région Mauricie là, qui est prenable selon le Parti libéral du Canada. Ouais, lequel? Pas Trois-Rivières, puisque Paul Brunel du Bloc québécois, c'est une comtesse dans ce comté. C'est pas Batiscan? Non, moi, j'irais plutôt pour Saint-Maurice-Champlain. T'sais, vous savez, Jean Chrétien, son comté, là, le comté de Jean Chrétien, le comté rouge. Hey, Michael Gnassef pense pouvoir dénicher un candidat très en vue, très connu. Vous le savez pas. Mais... Voyons, honte à vous. Oh. Hein? J'allume ici. Ben oui, c'est quelqu'un de très connu à Trois-Rivières. Mais c'est, ben, hein? Je sais pas, non. Est-ce pas que je laisse planer le suspense? Ben non, c'est pas, ben, ça a rapport avec ici, avec l'université? Non, non, non, non. C'est non. Simon? Oui, c'est ça. C'est moi qui se présente. Non, non, je pensais, pour ceux qui ne savent pas encore. Ah, oh, ok, non. Je pour ceux qui ne savent pas encore, notre très chère mère Yves Lévesque. Eh, hey, t'es pas pourrait, sérieux? Pourrait faire le saut. Quoi? C'est une rumeur persistante parce qu'il n'a mais pas non, encore. Mais non, mais non. C'est... Quoi? Ben, t'es sérieux? Mais non, mais non, mais non. Oui. Très sérieux. Mais donc là, est-ce qu'il serait. Il est obligé de lâcher la mairie? Oui. Ok. Ouais, mais là, ça voudrait dire ça, que... c'est peut-être pas une mais il pourrait faire comme le maire Perrault à Sherbrooke à l'époque. Il a pris des vacances de la mairie. Il a mis son maire suppléant. Est allé en élection. Ne s'est pas fait élire. Il est revenu à la mairie en disant « Ah, finalement, mon mois de vacances m'a fait du bien. » Ouais, ils ont juste réchauffé ton banc. Et oui. Donc, comme il Pierre pourrait Bourque avec l'ADQ. Ah, tu t'en souviens, toi aussi? C'était le gag de l'ADQ. Là. Déjà, Pierre Bourque, c'est un gag. Puis imaginons avec sa vacance à l'ADQ. Là, c'est Pierre Bourque qui chante un Canadien errant. Là. Non, c'est ça, là, ça, c'est dans les archives à brûler. Ensuite, Michael Gnassef a dit lui-même, nous allons sillonner le Canada. J'ai pas la voix de UNICEF, là, mais nous allons sillonner le Canada au cours du prochain mois en disant très clairement aux Canadiens, il y a un choix très simple. Vous pouvez avoir 4 années de plus de Stephen Harper ou vous pouvez avoir un gouvernement libéral plein de compassion, modéré et qui se base sur des positions et des preuves tangibles. Donc, langue de bois ici, là, on comprend le principe. Nous allons sillonner le Canada. Ouais. Moi, je pas, moi non plus. Tu te rapproches. C'est raté. Mais juste de par son discours, tu dis, on veut des élections, gouvernement majoritaire. Il l'a dit lui-même, Harper, allez-vous donner un 4 ans de plus? Il se bat même pas pour avoir la deuxième position, il se bat pour avoir le pouvoir ou rien du tout. Parce que Gnassef sait très bien que s'il gagne, il reste à la tête du Parti libéral. Et s'il perd ou s'il tombe dans l'opposition, il démissionne automatiquement. Il n'a pas le choix, il n'aura pas rendu ce que les membres lui ont donné comme mandat. Jack Layton aussi part en tournée. Oui. Jack Layton, il est-tu en forme, là? Il va beaucoup mieux. Il va on beaucoup sait qu'il mieux. Avait eu un traitement contre le cancer. Ouais, parce que c'est ça, il savait pas trop s'il allait en fait, il a continué. Il a commencé à reprendre du poids, on le voit souriant, toujours avec sa bonhomie légendaire. Sa moustache. Sa moustache, oui, et son front dégarni. Lui, il a de l'air sympathique. Lui, sincèrement, là. Et tu m'ouvres une porte, François-Olivier. Il y a eu un sondage qui a passé vraiment incognito dans les journaux du Québec, dans le Globe and Mail à Montréal. Un mini-sondage qui disait aux Québécois si le Bloc québécois n'existait pas. Pour quel parti fédéral voteriez-vous? Bonne question. Et le parti qui gagnerait au Québec, ce serait le NPD. Ah ouais, pour vrai. Ah, cool. Hein? Donc, il y a beaucoup de bastions au Québec, très fort pour le NPD, sauf qu'on préfère le Bloc québécois au NPD. Ah oui. Parce que le Bloc, bon, ce sont des Québécois, de premièrement, et c'est un parti souverainiste et qui défend le Bloc, le Québec. T'sais. Bon. Le NPD, par contre, on leur a demandé pourquoi vous aimez le NPD. Est-ce que c'est pour ses positions à gauche? Les Québécois ont dit 50-50. C'est parce que c'est progressiste. Donc, déjà là, bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit on aime Jack Layton. Hey, mais oui, on aime Jack. Il est attaché. Parce que Jack, faut pas l'oublier, c'est un Québécois, c'est pas un Ontarien. Mm-hmm. C'est un Montréalais. Il parle beaucoup anglais, c'est pas de sa faute. Il a été élevé dans une famille et, bon, de culture anglophone, mais c'est un Québécois d'abord et avant tout. Et ça, les Québécois le savent, ils savent le reconnaître. Mm-hmm. Parce que Jack Layton, quand il parle, quand il fait des jokes, c'est des jokes québécois. Les références sont, exactement, sont on comprend très bien. On va l'appeler Jacques Layton. Jacques Layton. Gilles Duceppe, notre cher chef du Bloc québécois, lui aussi part en tournée, mais dans une mini-tournée québécoise, parce que lui, il n'a pas besoin d'aller dans le reste du Canada. Ça. Lui, il fait juste la tournée des comtés très sûrs. Une tournette. Et hier, dans les journaux, il a clairement dit qu'au prochain budget, s'il n'y a pas l'indemnisation réclamée pour l'harmonisation des taxes. C'est un grand terme. Ouais, c'est le TVQ-TPS, là, mis ensemble, collé avec du scotch tape pour faire une TV. Une taxe. J'avoue qu'une TV, ça va être plus vendeur. Appelons ça une T. Une taxe. Okay. Partout ailleurs au Canada, il y a une seule taxe sur les factures. Seul au Québec, il y en a deux. Parce que nous, on n'a pas harmonisé les deux taxes. Donc, on n'a pas fusionné les deux taxes. Pour un principe très fort, ça rapporte beaucoup plus au Québec d'avoir une taxe séparée du Canada. Parce qu'on taxe la taxe. Donc, la TVQ sur les factures vient après la TPS. Donc, on taxe le montant plus la TPS. Donc, ça rapporte beaucoup plus. Donc, ils veulent harmoniser le tout. Et l'augmenter, j'imagine, pour que ça revienne au même pour eux autres, non? Genre, on serait plus conscient de combien est la taxe, donc on pourrait l'augmenter facilement de plusieurs points. C'est ça. Donc, Jack Layton, oui. Gilles Duceppe demande 2,2 milliards d'harmonisation. Donc, on veut que Ottawa nous verse annuellement 2,2 milliards pour dire on va se la fermer, on fusionne les taxes, puis vous nous donnez 2,2. Mais Harper, il veut pas. Il dit non. Que le Bloc québécois, il dit si on n'a pas 2,2, on fait tomber le gouvernement. Donc, un autre signe avant-coureur qu'il y aurait est le déclenchement d'élection, puisqu'il suffit qu'il y en ait un gros parti qui dise non et ça tombe. Ensuite, Stephen Harper, je termine avec lui, va de conférence, en annonce de subventions, d'investissement partout au pays. Puis habituellement, quand on commence à distribuer des nananes, c'est qu'on veut gagner des votes et faire oublier notre passé. Et là, Harper, dans sa mégalomanie, dans sa paranoïa sécuritaire, on sait qu'il a investi plusieurs milliards dans l'armée. Il projette de continuer la mission en Afghanistan après 2012, avec moins de militaires, mais bon, c'est une mission en Afghanistan, c'est une mission, on s'en cachera pas. Il y a des militaires là-bas, il y a des Canadiens qui seront tués. Mais lui, il s'est dit, on va commencer à faire de la sécurité intérieure. On va bâtir des prisons. Au lieu de construire des écoles et investir en éducation, on va bâtir des prisons. Les malfrats, faut les enfermer. Donc, il a annoncé 158 millions de dollars pour construire 8 nouvelles prisons au pays. Et ce qui devrait dégager 634 nouveaux lits. On ne dit pas des cachots, des lits. Donc, on va les clouer au lit. Donc, lui, il vient de commencer à tourner. 634 au total? 134 lits, donc 134 places. 134, c'est pas beaucoup. 634, c'est pas beaucoup non plus. Ben, c'est trop, d'après moi. C'est trop. Les prisons, premièrement, débordent. Au lieu d'investir... Mais pour un pays comme le nôtre, 634... Non, ça, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. L'an prochain, ça peut être encore un autre 500. Ça peut être un programme à long terme. Je ne sais pas. J'ai pas lu encore le programme du parti. Mais il a déjà investi dans de nouvelles prisons présentement. Et là, c'est des sécurités maximales qu'il est en train de faire plutôt que sécurité minimale. C'est la différence. Minimale, c'est provincial et maximale, c'est fédéral. Donc, un crime grave, c'est 2 ans plus un jour, tu t'en vas au fédéral. Donc, au lieu de réhabiliter les gens qui commettent une infraction quelconque, soit sous le coup de la passion, l'émotivité, comme on a vu à Tucson, en Arizona, c'est soit déséquilibré mental ou quelqu'un qui a de l'air sur sa photo, il y a de l'air vraiment dérangé. Ça, c'est voulu. Là. C'est le contrôle de l'image est voulu. Je prendrais ta pire photo sur Facebook, j'en mettrais à une du nouvelliste pour dire ce gars est un violeur, puis tout le monde le croirait. C'était sa mugshot, c'est la photo qu'il a fait prendre quand il est. C'est lui qui l'a contrôlé, l'information, en prenant cette photo. On est cave ou on l'est pas. Hein. C'est, ouais. Donc, ils prennent pas nécessairement juste une photo aussi quand il y a un mugshot. C'est ça. Donc, ils prennent habituellement la plus mauvaise. Et... Ouais, mais on s'entend pour dire que juste tirer du monde à un parking. Non, ça, il est un déséquilibré. Mais est-ce que c'est un déséquilibré mental ou il a été poussé par le discours vraiment malfaisant aux États-Unis qui a lieu ces temps-ci? Je le sais pas. Personne ne le sait, ben, personne ne le saura. Tu peux être poussé par un discours, mais de là, tu sais, il y a des limites à des actions. Il y en a qui l'ont fait dans l'histoire, et Simon me confirmera ça, dans l'époque nazie, en Europe, On était tellement charmés par le discours d'Adolf Hitler qu'on était venus à considérer l'autre comme étant une nuisance. Donc, il fallait éliminer l'autre. Pratiquement les zombies. Oui, c'était un discours vraiment qui faisait peur. Et nous qui sommes historiens, je suis sûr que Simon aussi partage la même crainte que moi. Aujourd'hui, en voyant ça en Arizona, j'ai une certaine crainte que ça se répète. À petite échelle peut-être, mais j'ai une certaine crainte. C'est que ce discours-là, la rhétorique de la droite, c'est vraiment... Le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas nécessairement aux idées. On s'attaque plus aux gens et aux partis plus à gauche. C'est-à-dire, ben, plus à gauche. Le discours devient personnalisé. C'est ça, exactement. Ce qu'on s'attaque vraiment à une idée. On peut être contre le système de santé, la réforme de santé de Barack Obama. Moi-même, je suis contre. Puis pourtant, Barack Obama, il dit de gauche aux États-Unis, et moi aussi. Et je suis contre son système de santé pour plusieurs raisons. Mais on peut s'en prendre à son idée et non pas à Barack Obama lui-même. Non plus comme à Gabrielle Giffords. Mais ça, c'est le problème du Tea Party en grande partie. Exactement. Donc, pour revenir au Canada, dans ce pays où Serge Chapleau, le caricaturiste de la presse, a comparé aux États-Unis, c'est avec des armes qu'on se bat au Congrès, tandis qu'au Canada, c'est avec des tire-poids. C'était une très belle caricature. Et tant mieux si au Canada, ce sont des tire-poids que nous utilisons comme sarbacane. Donc, le budget à Ottawa va être déposé au début du mois de mars. Donc, il y aurait, s'il y a élection, ce serait à la mi-avril. Donc, à la toute fin de la session universitaire ici. C'est pour ça que je me suis dit, en faisant ma chronique aujourd'hui, à mi-avril, on s'en souviendra pas, si je me suis trompé. Ou on va s'en rappeler, je vais m'en péter les bretelles. Ah ouais, tu vas nous le rappeler. Je vais vous le rappeler certain. Hey, mais Harper pourrait faire beaucoup de points ici au Québec en donnant une subvention pour le Colisée, je pense. Il pourrait, mais il va se mettre à dos l'Ouest canadien. Dans l'Ouest. Donc, c'est pour ça qu'il a créé une nouvelle corporation qui, lui, va gérer un fonds public d'investissement culturel. Donc, il va mettre, mettons, 1 milliard là-dedans. Imaginons, là, je fantasme ici. Wow. Il va mettre 1 milliard là-dedans et le comité va dire « Bon, on peut subventionner le Colisée à hauteur de 100 millions. » C'est pas Harper qui l'a fait, c'est un comité. Il l'a fait, ce comité-là. Il l'a créé. Donc, oui, il pourrait y avoir un Colisée à Québec dans le prochain plan de match du Parti conservateur, mais ce ne sera pas Harper lui-même, ça va être le comité instauré par Stephen Harper. On voit pas la magouille, mais ils vont, la stratégie en dessous de ça. Ils vont inclure son nom dans le... Ouais. Parce qu'il y avait eu un autre sondage dans l'Ouest canadien, en Alberta, ils ont dit si on ne construit pas un nouveau Stampede à Calgary, alors qu'on construit un nouveau stade à Québec... Eh bien, Harper, on s'en débarrasse. Et pourtant, Calgary, c'est le château fort de Stephen Harper. Et quand ils sont rendus là, les Albertains, à dire on est prêt à se débarrasser d'un chef parce qu'il favorise les Québécois, Harper doit avoir peur un petit peu dans ses comtés moins sûrs. Si tu dis oui à un, faut que tu dises oui à tout le monde. Voilà. Et pour terminer, parce que le temps file, dernier sondage qui a été fait au fédéral donnait Parti conservateur à 29,4%, Parti libéral 29,1%. Et ça, c'est pas loin. NPD 15,7%, Bloc québécois 10,9%, mais ça, c'est à travers le Canada. Oh, ouais. Et le Parti vert 13%. Donc, c'est très chaud, une très chaude lutte. On verra bien ce que ça va donner. Vous savez aussi bien que moi, un sondage en temps de paix, ça donne des chiffres farfelus parfois. Et en temps de guerre, soit durant une élection, c'est tout à fait le contraire. Donc, ça, c'est juste un indicateur. Mais dans les faits, disons que le Parti conservateur a une avance sur tous les autres partis venus ensemble. On verra la deuxième position qui reviendra. Yeah. Eh oui. Merci, François. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours très apprécié ta chronique Logocratie 101 les jeudis à 8h30. On te retrouve la semaine prochaine pour ta deuxième et peut-être aussi mémorable. Oui, toujours. Là, je vais faire un Nostradamus de moi. Je vais annoncer l'agenda de Jean Charest. Ah! Oui. Est-ce qu'il est aussi beau que l'agenda de l'OGE? Oui. Je suis en train de réfléchir. Probablement. Je vais dire oui, puis la semaine prochaine, je me rétracterai au pire. C'est ça, tu me demanderas de censurer tes propos pour les meilleurs moments. C'est bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Vision missionnaire à Wow! Marc Labrèche, lors de son spécial de fin d'année, une excellente prestation. Vous irez voir ça sur tout.tv. Si vous n'avez pas vu ce 3600 secondes, moi, je trouve que c'est le meilleur parce qu'il a fait un ramassis, finalement, de tous ses meilleurs sketchs. Et il n'y a pas la présence de Marc Labrèche. Moi, quand il est devant le public, je trouve que c'est vraiment plate et inintéressant. Et les gens, je trouve, rient juste parce que c'est Marc Labrèche. Et là, ils sont obligés de rire. Mais lors des petits sketchs, j'adore. Marc Labrèche, c'est un excellent comédien, excellent créateur, un artiste, quoi. Donc, ben c'est ça. Ça vient de là, cette petite pièce. Non, hein, ça marche pas. C'est pièce, ce, Danny. On met pas des T et des R où on doit pas en mettre. On va tout de suite débuter avec nos nouvelles insolites. On commence. Il fume dans les toilettes d'un avion et se voit poursuivi par le FBI. Ça se passe le 8 janvier dernier lors d'un vol de la Delta Airlines entre Nice et New York. Un passager a bien du mal à contrôler ses envies de fumer. En effet, un homme, un Français de 33 ans, s'est rendu à plusieurs reprises dans les toilettes de l'appareil pour céder à son envie. Face à ce comportement étrange, une des hôtesses lui a signifié qu'il était interdit de fumer en vol. Entrant dans une colère folle, le passager s'en est pris verbalement et physiquement à cette dernière, en insultant et en la poussant contre les sièges. Un policier présent à bord est alors intervenu pour menotter le perturbateur jusqu'à la fin de son voyage. Après l'atterrissage, il lui a été signifié que le FBI avait porté plainte contre lui pour avoir fumé dans un avion et insulté le personnel de bord. Le Français est également accusé d'avoir donné un coup de pied à un agent de police. Mais il faut se comporter comme on le doit. On n'a pas le droit de fumer dans l'avion. Je le sais, c'est long. Des fois, il y a des vols hein, qui durent 6, 5, 7, 8 heures. Mais bon, on le sait pas. On le sait maintenant, surtout s'il y a un agent de police américain. On se tient tranquille. Et il y en a d'autres qui vont se tenir tranquilles. Ce sont les mauvais contribuables en Suisse, car un maire menace de tuer leur chien. Eh bien oui, c'est le maire du petit village de Suisse de Reconvillé, qui est prêt à tout pour que les contribuables payent leurs impôts. Alors qu'il réclame la somme de 50 francs suisses à tous les propriétaires de chiens, il a menacé l'abattage des animaux dont les taxes ne seraient pas payées aux frais de leurs propriétaires. Si le procédé peut paraître choquant, la municipalité dit se conformer à une loi cantonale de 1904. Malgré tout, la commune a dû bien vite se défendre après le relais à la presse de cette nouvelle directive. Nous ne voulons pas tuer les chiens, on veut juste récupérer les taxes. Il y a plus de 300 chiens dans la commune, a expliqué le maire adjoint Heinz Sigritz. Et le maire a lui précisé avoir reçu des lettres et des messages d'insultes suite à cette affaire. Heinz Leinhard, président de la Protection suisse des animaux, lui a réagi en expliquant que cette disposition, l'abattage des animaux, n'est plus applicable et appliquée nulle part parce qu'elle est tout simplement plus d'actualité. Il a également menacé que s'il hésitait, qu'il n'hésiterait pas un instant à examiner le dépôt d'une plainte pénale contre les responsables susceptibles d'abattre les 10 chiens. Hein? C'est une belle nouvelle. Et puis, on va y aller avec une petite dernière comme ça, avant de poursuivre en musique dans le Dîner de cons. Eh bien, c'est clonez-vous, clonez tout dans Minecraft grâce à Kinect. Vous ne connaissez pas Nathan Vinconcy, mais vous ferez l'effort de prononcer son nom correctement une fois que vous saurez ce qu'il a accompli avec quelques scripts, quelques drivers, la Kinect et Minecraft. Bâtir des villes, des infrastructures dans un univers 3D de Minecraft demande une patience infinie, un souci du détail qui peut parfois virer au pathologique ou à la catastrophe. On se dit alors qu'il serait tellement plus simple de pouvoir intégrer n'importe quel bâtiment ou objet déjà modélisé pour s'épargner, bien sûr. Donc, cette pointe de fainéantise, Nathan Vinconcy, lui, a trouvé une réponse en associant la Kinect au programme pour dupliquer automatiquement n'importe quel objet scanné par la caméra de Microsoft. N'importe quel objet ou n'importe qui, si vous désirez bâtir un royaume à la gloire de vous-même. Donc, Nathan est un développeur pour l'entreprise Software in Motion et son aptitude au code ainsi que sa curiosité l'ont poussé à tenter une expérience avec la détection de profondeur de la Kinect et le monde en construction de Minecraft. À partir d'une image capturée via la caméra et interprétée par les drivers, qui en composent l'information, bien sûr, Nathan a trouvé comment générer par modélisation exportable dans Minecraft, qui prendra place directement sur une carte fabriquée à partir des matériaux adéquats. Puis, par le biais d'une succession de scripts en Python, le langage particulièrement adapté au traitement des tâches fastidieuses comme la récolte et la classification d'informations, la modélisation d'un objet perçu par Kinect est découpé en cubes dont chacun est associé à une couleur puis un matériau correspondant dans Minecraft. Parallèlement, la modélisation est intégrée dans un fichier de sauvegarde propre au jeu et devenir un monument préfabriqué, donc, qu'on pourra déposer sur la carte. Cette opération est réalisée par une association entre l'espace théorique qu'occupe la modélisation et le nuage de points qui constitue une zone de Minecraft. Sur une page explicative, Nathan détaille chaque phase du processus, livrant son script et sa méthode pour que n'importe qui désirant cloner un objet ou le dupliquer dans le jeu Minecraft puisse bénéficier de ses recherches. La démarche est certes très segmentée, elle s'adresse à une niche minuscule, mais il faut connaître que le résultat est tout simplement fabuleux. Imaginez seulement ce que ce type d'initiative donnerait sur d'autres jeux communautaires dirigés par le contenu utilisateur. Le potentiel ludique et créatif d'une telle idée paraît alors infini. Bien de loin, donc, les promesses marketing de Microsoft qui vous proposaient seulement de scanner la texture d'un pauvre skate ou d'un autre truc du genre. Alors, c'est ça, on le voit, Kinect est hallucinant et fait triper les développeurs. Et puis, je pense qu'on est seulement au début, l'origine peut-être d'un nouveau monde. C'est vraiment intéressant, Kinect, c'est à voir. Eh bien, YouTube a une parodie des Simpsons, parodie pornographique, vous allez voir. Donc, c'est le sextape avec les plus grandes célébrités du monde qui est arrivé sur le web, posté par YouTube, la bande-annonce, elle est soft, hein, de la version pornographique des Simpsons avec de véritables acteurs qui recueillent déjà les faveurs des internautes. En effet, il a déjà été visionné à plus de 500 000 fois en seulement quelques jours. Un avant-goût de la parodie X produite par Hustler. Rien de moins. Le sextape de Marge and Homer Simpson regroupe tous les clichés du genre mauvais comédien, décor pauvre, humour douteux et scénarios les plus simplistes. Ce dernier reste en effet digne d'une parodie coquine. Homer a piqué la caméra des Flanders et propose à Marge de faire une vidéo de leurs ébats. Elle accepte et, sans que l'on comprenne pourquoi, une fièvre sexuelle envahit la paisible ville de Springfield. Donc, allez voir ça sur la page Facebook du Dîner de cons. Mais vous allez voir, c'est très gentil. Il n'y a rien de hard là. C'est vraiment fait pour le web. Et quand je dis le web, pas 3X. Sinon, on va rester encore dans le monde des publicités et des petites vidéos, des petites pubs, toujours sur YouTube. Eh bien, c'est la dernière publicité de Red Bull qui a été censurée, a été jugée trop offensante. Red Bull, qui a l'habitude de sortir des spots publicitaires drôles et décalés, a cette fois-ci décidé de provoquer un peu plus et sobrement. Le petit clip est intitulé « La plage nudiste ». C'est la dernière publicité de la marque qui fait actuellement polémique. Elle est jugée légèrement trop choquante. Le petit film met en scène un naturiste. C'est notre petit personnage là dessiné là à main levée. Petite image par image. Donc, le petit film met en scène ce naturiste pris soudain d'un émoi devant une jeune femme qui lui offre à boire un Red Bull. C'est l'érection provoquée chez le personnage qui, après avoir bu la boisson, a été jugée trop dérangeante, et ce malgré l'autocensure déjà appliquée par la marque elle-même, alors à l'aide bien sûr du fameux bandeau noir là, de censure. De ce fait, la publicité de Red Bull ne sera pas diffusée à la télévision, risquant ainsi de heurter la sensibilité des plus jeunes, mais moi je dirais surtout des plus vieux. Ce spot publicitaire sera toutefois visible dans les salles de cinéma à compter du 9 février jusqu'au 8 mars prochain. Et puis moi, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de cons pour la voir, cette belle petite publicité. Ma foi, un peu coquine, mais sans plus, y a rien pour fâcher. Comme j'ai dit, c'est plus les plus vieux qui vont être fâchés que les trop jeunes, d'après moi. Et puis, on va y aller encore. Ah, celle-là est assez intéressante. C'est l'origine des boutons de la manette de la PlayStation qui est révélée. Donc, deux sites Internet anglo-saxons expliquent pourquoi la manette de la PlayStation possède un design reconnu par des millions de joueurs, loin d'être le fruit du hasard. C'est à Teyo Goto qu'on doit cette configuration de boutons mûrement réfléchis. Et d'après moi, et de loin, la meilleure manette de toutes les consoles. Et je ne parle pas que de la console, je parle seulement de la manette de la PlayStation qui est restée pareille depuis le début. Elle est identique à la PlayStation 1. Donc, l'origine des boutons de cette PlayStation est aujourd'hui connue et très, très bien connue à travers le monde. Elle est loin d'avoir été choisie au hasard. Les symboles sont issus d'une véritable réflexion menée par Teyo Goto, ingénieur chez Sony, marque créatrice, bien sûr, de cette console de jeu. Ainsi, le triangle vert représente le point de vue. En effet, ce bouton a été imaginé comme une direction ou la tête d'un personnage. Le carré rose, lui, rappelle une pièce de papier et sert le plus souvent dans les jeux vidéo à représenter un menu ou un document. La croix et le rond ont quant à eux été imaginés en bleu et en rouge car ils servent généralement à confirmer ou à infirmer un choix. Vous voyez, moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux les symboles comme ça que sur la Xbox avec A, B, C, D, là, c'est n'importe quoi. Mais bon, moi, j'aime vraiment mieux. Et puis, c'est beaucoup plus universel, un triangle, un carré et tout ça. Hein? Teyo Goto a également révélé dans des interviews données par OneUp.com et Joystick.com que les développeurs de l'époque préféraient opter pour un design plus proche de la manette du Nintendo. On se rappelle cette manette plate, vraiment la manette du NES là, qui était vraiment laide, mais pratique quand même dans la main, était quand même assez facile. Qui préférait justement opter... On demandait aux développeurs de ressembler à Nintendo, alors leader sur le marché à cette époque. Finalement, l'ingénieur de Sony a réussi à convaincre son équipe de suivre ses directives. Et puis, l'histoire lui donne aujourd'hui raison, parce qu'elle est reconnue comme la meilleure manette pour les vrais amateurs de consoles. L'Xbox est beaucoup trop grosse. Premièrement, pour les enfants, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, là, j'en entends déjà qui chiale et puis tout. Mais bon, c'est la vie. On va y aller avec une dernière petite nouvelle avant de se sauver en musique. Eh bien, on va rester tantôt avec nos Simpsons. On était dans le coquin. Eh bien, on va rester dans le domaine du X. C'est un jeune homme qui réalise un film X pour valider son diplôme universitaire. Hein, c'est quand même... C'est des professeurs d'université qui ont autorisé un étudiant à présenter un film pornographique comme devoir de fin d'année. Un étudiant, donc, qui est turc et qui n'a pas manqué d'audace en fin de cursus pour faire valider son diplôme. Il était inscrit à l'université BG d'Istanbul. Il a souhaité se démarquer un peu des autres élèves en demandant l'autorisation à son corps professoral de tourner un film pornographique pour valider son examen au département de photographie et de vidéo. Après de nombreuses tergiversations, les enseignants ont finalement accepté le super projet. Donc, c'était un peu tester les limites de l'université. L'audacieux Dennis Osgon a expliqué ses intentions à la revue Tempo. Il dit qu'il avait envie de réaliser quelque chose qui permette de voir jusqu'où pouvaient aller les limites de la liberté académique dont on nous parle depuis tant d'années. Parce que l'université, c'est en réalité un espace de liberté souvent inutilisé. Il a donc pensé à un film porno qui serait le meilleur moyen de tester les limites de cette liberté. Pour se défendre face au conservatisme qu'il souhaite dénoncer grâce à son œuvre pornographique, il ajoute « L'épreuve de vérité commence maintenant. Avec cette affaire, toute cette ambiance oppressante me dérange beaucoup. Il dit qu'il en a marre d'être enfermé dans des quartiers chics et branchés d'Istanbul. Vous pouvez considérer que ce film est une réponse hardcore au conservatisme ambiant. Si nous vivions dans une société plus libre, une telle idée ne me serait jamais sans doute venue à l'esprit. » Donc, ça fait un tollé dans tout le pays. Et suite à cette affaire, 3 professeurs ont été renvoyés de l'université. Dans la presse, les réactions ont été nombreuses, certains critiquant le manque de pédagogie dans cette méthode, comme l'explique l'éditorialiste Mehmet Yilmaz dans le Yuryets, donc un journal de ce coin du monde. Google lance un concours scientifique pour ados. Le géant américain a donc lancé un concours scientifique destiné aux 13-18 ans, pardon, dans le monde entier, à la clé un voyage de 10 jours dans les îles Galapagos et une bourse d'études de 50 000 $. Google souhaite découvrir les jeunes esprits les plus brillants du monde, capables de lui proposer des projets intéressants et créatifs, pertinents dans le monde aujourd'hui. Les adolescents, pardon, qui souhaitent participer à ce concours peuvent le faire seuls ou en groupe de 2 ou 3 et ils devront proposer un projet en anglais qui peut être composé d'une vidéo de 2 minutes ou d'un dossier d'une vingtaine de pages expliquant ce qu'ils ont souhaité faire. La date butoir de ces candidatures est le 4 avril prochain. Moi, je vous dis, c'est pas mal plus facile de faire une petite vidéo de 2 minutes. Mais bon, le mois suivant, un jury de professeurs doit examiner ces candidatures et 60 demi-finalistes seront choisis. Les projets de ces demi-finalistes seront soumis à un vote sur Internet, donc vers le public. Fin mai, les noms des 15 finalistes seront annoncés par Google. Ils auront le privilège d'être invités au siège social direct de Google. Juste ça, c'est quand même un beau prix. Donc, en Californie, au siège social de Google, un jury composé de scientifiques, dont des prix Nobel, va alors procéder au vote final qui doit élire 3 gagnants selon les tranches d'âge. 13-14 ans, 15-16 ans et 17-18 ans. Belle nouvelle, peut-être ça vous intéresse. Vous avez des enfants qui sont portés sur la science, ben proposez-leur cela. On a Facebook qui impose à tous le nouveau profil. Vous l'avez vu, le réseau social Facebook a choisi d'imposer le nouveau profil à tous ses utilisateurs après leur avoir laissé le choix pendant plusieurs mois de garder ou non l'ancienne version du site. Ben c'est comme ça, il faut se plier. Et puis une dernière petite facile comme ça, PayPal et Microsoft qui sont derrière une initiative anti-phishing. Donc Microsoft et le site de paiement en ligne PayPal, qui appartient à eBay aussi, ont lancé aujourd'hui avec la société de sécurité informatique CERT, le site phishing. L'objectif est bien lutter contre le phishing, soit la fraude aux informations personnelles. Réservé aux pays francophones, le site invite les internautes à dénoncer les tentatives de phishing commises à leur égard en proposant des adresses de sites suspects. Et puis, ce projet à but non lucratif et géré par le CERT peut compter sur la collaboration des navigateurs Firefox, Safari, tout comme le superbe Internet Explorer que plus personne n'aime et plus personne n'utilise. Non, c'est pas vrai. Les gens l'utilisent, mais bon, ils devraient pas. Ils se sont engagés à bloquer les sites signalés une fois que leur caractère illicite est constaté par un expert. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.